Bonjour à toutes et à tous. On attend peut-être encore quelques minutes que les dernières personnes se connectent avant de commencer la séance d'aujourd'hui. Bon, on va commencer. Bienvenue à toutes et à tous pour cette neuvième séance du séminaire Copolis, qui sera la dernière cette année. Donc, je suis Marie Seguin, doctorante au LAVU, et c'est en tant que co-organisatrice de ce séminaire que je vais introduire la séance d'aujourd'hui. Pour commencer, ah oui, je vais préciser juste pour les Portugais qu'il y a la traduction en bas, para os lusófonos, tem a tradução em português, pode ler na discussão. O Felipe enviou as informações para ativar a tradução. Donc, pour commencer la séance d'aujourd'hui, je voudrais remercier les intervenants de ce soir qui sont Julien Talpin, qui est chercheur au CERAPS à l'Université de Lille, Clotilde Saunier, stagiaire au CERAPS également à Sciences Po Lille, ainsi que Agnès Deboulay, qui est directrice du CEDEJ au Caire et chercheuse au LAVU à l'Université Paris 8 et qui discutera leurs interventions. Je remercie également Pedro Gomes, postdoctorant au LAVU, ainsi que Philippe Urquois, qui est chercheur au laboratoire Cosmopolis et qui assure la traduction simultanée de cette séance en portugais. Ce séminaire, il est organisé dans le cadre de l'ANR Copolis, Regards croisés sur les quartiers populaires et précaires en France et au Brésil, qui est coordonné par Agnès Deboulay et João Whittaker. C'est une recherche participative sur la coproduction sociale de la ville. Elle est portée par le LAVU et le Labab, en partenariat avec d'autres laboratoires, qui sont le LAT, le CERAPS, le LEREPS, mais aussi avec des associations et des collectifs citoyens, que sont Appui, Alliance citoyenne, l'Atelier populaire d'urbanisme de Villeneuve, UPC Roubaix et PA Biélou. Pour cette séance, qui est la dernière séance de l'année, je ne reviendrai pas davantage sur le programme de recherche qui a déjà été présenté à plusieurs reprises. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez en trouver sur notre site internet. Je vous mets le lien dans la discussion. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt de commencer par une synthèse des interventions qui ont été faites dans le cadre du séminaire. Tout au long des séances, la coproduction de la ville et des savoirs, elle a été étudiée à partir d'expériences concrètes qui sont actuelles ou passées dans différentes villes françaises et brésiliennes principalement, mais aussi en Angleterre. La coproduction, elle a été analysée suivant une approche pluridisciplinaire, puisqu'on a eu l'intervention de sociologues, d'anthropologues, d'urbanistes, d'architectes et d'historiens, et aussi suivant une diversité de points de vue, puisque au-delà des chercheurs, on a eu l'intervention d'habitants, de représentants d'associations, ainsi que d'une technicienne de la mairie de Saint-Denis. Sur les 9 séances, 3 séances intitulées « Recherche-formation » ont été organisées par des associations partenaires du projet Copolis. Elles ont été ouvertes à un public plus large, de façon à donner la parole aux acteurs de la coproduction, afin d'en identifier les enjeux et les limites. Dans les premières séances du séminaire, la coproduction a d'abord été étudiée au travers des recherches participatives. D'abord avec un état de l'art qui a été réalisé par Maïté Rouanne, qui a mis en avant la diversité des recherches participatives, ainsi que les convergences et les clivages qui les traversent. Puis, à partir d'un exemple concret, qui est l'ANR Popart, Marie-Hélène Baquet et Jeanne Desmoulins sont revenus sur les enjeux théoriques et méthodologiques d'une recherche participative qui a été réalisée par des associations, avec des associations, et des jeunes de 10 quartiers populaires en Île-de-France. Les interventions, elles ont ensuite porté sur des expériences de coproduction de la ville en lien avec des mobilisations habitantes. Dans la plupart des cas qui ont été présentés, que ce soit en France, au Brésil ou en Angleterre, la coproduction, elle s'est mise en place en réaction à des démolitions, qu'elles soient effectives ou programmées, et surtout face à un même constat, qui est que les habitants sont exclus des prises de décision qui concernent leur lieu de vie. Les expériences qui ont été présentées, elles illustrent la diversité des pistes qui ont déjà été explorées, que ce soit de la mobilisation, organisation collective, du travail de décryptage et traduction des éléments techniques qui limitent de fait la participation des non-techniciens, que ce soit la mise en place de contre-expertises et l'élaboration de contre-projets, comme le plan de rétablissement post-pandémie à Londres, qui a été présenté par Barbara Lipitz et Richard Lee, ou le contre-projet qui a été réalisé au Crou, à Fresnes, et qui nous a été présenté par Karima Benali, Claire Pellegrin et Maxime Romerol. On a vu également l'organisation de référendums d'initiative citoyenne au Villeneuve-des-Chirolles, à Grenoble, qui nous a été présenté par David Gabriel, la réalisation de plaidoyers, et l'élaboration de chartes qui comprennent les revendications des habitants, comme ça a été le cas au Framoisin, qui nous a été montré par François-Xavier Brabant et Christine Delamoine. On a vu également au Brésil des projets d'accompagnement à l'autoconstruction, comme le travail de Pea Birou, qui nous a été présenté par Caio Santamor. Et enfin, on a vu également des actions qui, parfois, dépassent le cadre des quartiers où elles ont émergé, comme la coécriture d'une proposition de loi qui nous a été présentée le mois dernier par Xavier Desjonquières et Bénédicte Madeleine. Au fil des séances et à travers toutes ces expériences, il y a certaines questions transversales qui ont été soulignées, et je vais en souligner 3 ce soir qui me paraissent importantes. Donc, d'une part, il y a l'héritage et les filiations de ces pratiques de coproduction, que ce soit à l'échelle d'un quartier, lorsqu'il est marqué par une longue histoire de lutte, comme c'est le cas des Villeneuve-des-Chirolles, ou de l'Almagar à Roubaix, comme on va le voir aujourd'hui, ou que ce soit à des échelles plus larges, comme l'a montré notamment Philippe Purvoy en étudiant l'évolution de la coproduction à Belo Horizonte, en lien avec les mouvements sociaux, et les effets que cette coproduction elle, a eu sur la ville, ou comme l'a montré également Joan Whittaker à travers l'histoire des mutirans au Brésil, qui est un mode de production de logement qui est basé sur l'entraide et l'autogestion. Et donc, il a montré la façon dont ce modèle est passé d'une pratique spontanée à une action collective de lutte pour le droit au logement pour finalement s'institutionnaliser. Le second point qui a été soulevé et qui était présent dès les départs du projet Copolis, c'est le rôle de l'université dans les projets de coproduction. Que la présence de l'université, elle relève de l'initiative d'enseignants ou chercheurs qui sont isolés, ou parfois de formes plus institutionnalisées, comme au Brésil encore, avec ce qui s'appelle l'extensão, qui nous a été présenté par Karina Letan, qui est une forme d'engagement de l'université auprès de la société civile. Et c'est un des piliers de l'enseignement supérieur qui est même inscrit dans la Constitution de l'UN. Donc l'université, elle a été présentée comme une ressource grâce aux moyens, que ce soit matériels et humains, dont elle dispose, mais aussi aux outils, aux méthodes qu'elle apporte, et enfin à sa force de légitimation des luttes qu'elle va accompagner et soutenir. En miroir ont été soulignés les bénéfices pour la recherche et pour les habitants de pouvoir travailler sur le terrain et en lien avec les communautés locales. Et enfin, il y a certaines limites qui ont été abordées, notamment celle de la sursollicitation des habitants par les étudiants qui peuvent être considérés comme des consommateurs de ces expériences avec les communautés locales, mais aussi des formes d'instrumentalisation réciproque. Et enfin, le dernier point sur lequel je vais terminer cette introduction, c'est celui des difficultés qui ont été rencontrées dans les processus de coproduction à différents niveaux. Donc, il y a notamment la question de la répression par, que ce soit par les pouvoirs publics ou les forces de l'ordre, qui a été principalement évoquée au Brésil. Aussi, la difficulté à faire reconnaître le travail de coproduction, que ce soit au sein de l'université où l'engagement et le travail fourni ne sont pas toujours valorisés, mais aussi dans les sphères politiques et auprès des bailleurs, quand les contre-expertises et les propositions ne sont pas toujours entendues. Et enfin, la limite de l'horizontalité entre les différents participants qui a été soulignée, qui passe d'une part par le fait que les chercheurs et les professionnels ils investissent la coproduction dans le cadre de leur travail, tandis que les habitants principalement investissent, enfin prennent sur leur temps libre pour participer à ces projets, mais aussi qui est lié à la difficulté de déconstruire la hiérarchie entre les différents types de savoir. Si vous voulez entendre ou réentendre ces interventions, vous pouvez vous rendre sur notre blog qui est alimenté au fur et à mesure avec les enregistrements des séances passées, mais aussi avec divers matériaux liés aux interventions, ainsi que des comptes rendus des séances. Et donc, avant de laisser la parole à Julien Talpin et Clotilde Saunier, je vous précise juste que les séances reprendront en septembre, et donc la prochaine séance sera le 1er septembre. Voilà, mais on vous informera par mail et comme on a pu le faire pour les séances précédentes. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Julien et Clotilde qui vont nous parler de la coproduction en contexte de rénovation urbaine à partir du cas de l'Almagar à Roubaix. Bonjour, merci Marie, bonjour à toutes et tous. Donc, c'est moi qui vais commencer et Clotilde interviendra plutôt dans la dernière partie de notre présentation. Bon, bah, très heureux d'être avec vous ce soir et puis de pouvoir revenir sur cette histoire du quartier de l'Almagar à Roubaix. Je vais vous en dire un peu plus dans un instant sur ce qu'est ce quartier et quelle est cette histoire. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà. On y est. Donc, histoire à laquelle on a consacré un ouvrage avec ma collègue Paula Cossard. Malheureusement, ne peut pas être avec nous ce soir puisqu'elle est en congé maternité. Et donc, c'est notamment sur ce travail et ce livre que je m'appuierai. Mais je vais essayer en fait de pas simplement présenter le livre, mais de tirer un certain nombre de fils qui, je pense, résonnent avec les questionnements du projet de recherche Copolis et plus largement aux questionnements qui ont été évoqués à l'instant par Marie. Puis on essaiera de voir, et ce sera notamment le rôle de Clotilde dans un second temps, mais de voir aussi comment cette histoire, en fait, donc, qui se déroule, on va le voir dans les années 60, 70 surtout, et les années 1900-1980, comment cette histoire en fait continue à influencer à la fois l'imaginaire et les pratiques d'un certain nombre de militants et d'habitants dans la ville de Roubaix, que je vais vous présenter là aussi dans un instant. Comment encore aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, en fait, cette histoire et ces pratiques de coproduction, qui ont été assez poussées dans ce cas-là, imprègnent les pratiques contemporaines et la recherche sera un nouveau projet urbain sur lequel on travaille justement avec Clotilde et avec l'Université populaire et citoyenne de Roubaix dans le cadre de Copolis. On verra que l'imaginaire de l'Almagar est assez fréquemment en fait mobilisé par certains militants en tout cas. Et on verra néanmoins qu'il y a quand même des décalages entre ce qui s'est passé dans les années 70, le type de pratiques de coproduction qui ont eu cours à l'époque et celles qu'on peut observer aujourd'hui. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, pourquoi on a consacré un ouvrage à cette histoire donc de la lutte de l'Almagar, donc de ce quartier de Roubaix avec ma collègue Paula Cossard? C'est parce que c'est une histoire qui a fait pas mal de bruit à la fois dans la région, mais au-delà, en fait, qui est une histoire de victoire peut-être assez improbable où les habitants d'un quartier populaire sont parvenus à définir les contours de la réhabilitation de leur cadre de vie, sont parvenus à définir notamment, on le verra, les contours du schéma directeur d'urbanisme qui a défini leur quartier qui était voué à la destruction et qui, en final, va être pour partie sauvé et qui va être, en tout cas, réhabilité selon les souhaits qui ont été exprimés par les habitants à ce moment-là. Et donc, on essaye de faire dans le livre, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les conditions sociales, politiques, institutionnelles en fait de cette victoire improbable qui est quand même assez exceptionnelle. Il n'est pas toujours le cas que les luttes urbaines l'emportent de cette façon-là, et donc on essaie de comprendre qu'est-ce qui l'avait permis dans ce cas-là. Et un des facteurs importants, on le verra, c'est précisément ces pratiques de coproduction, notamment entre les habitants, les militants associatifs et une équipe de sociologues, d'urbanisme, en tout cas pour un temps, qui vont notamment construire ensemble le contre-projet urbain qui va finalement devenir les plans du futur quartier. Alors on verra néanmoins que entre ce qui avait précisément été défini collectivement sur les plans dans le cadre de ce schéma directeur ne sera pas exactement ce qui sera effectivement mis en œuvre sur le terrain au moment de la réalisation et de la réhabilitation effective du quartier. Bon, néanmoins, je crois qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à dire et à discuter collectivement sur cette coproduction à l'Almagar. Et puis, je vous l'ai dit, on finira avec Clotilde sur la période plus récente. Alors pour vraiment la commencer sur le livre, et donc un travail qui a été principalement un travail historique en fait, hein, qu'on a réalisé avec Paula. Donc on s'est immergé dans cette histoire, c'était maintenant il y a une dizaine d'années. À force qu'on nous en parle en fait sur le terrain, on s'est dit mais ça mériterait peut-être quand même de s'y replonger. Et donc on a rencontré en fait tous les acteurs de l'époque, ceux qui étaient en tout cas encore en vie, des militants, des habitants, des techniciens, des élus, donc tout un travail d'histoire orale. On a fait une cinquantaine d'entretiens. On a également retrouvé beaucoup d'archives à la fois militantes et institutionnelles. Et puis également, on a fait un travail, on peut dire, d'histoire visuelle, même si c'est un peu limité. Il y a un certain nombre de photos dans le livre, et je me dis d'ailleurs que j'aurais pu en mettre un peu plus sur le PowerPoint ce soir, un peu tard. Mais on s'est quand même pas mal appuyé sur des photos qui ont été prises à l'époque, mais aussi des documentaires qui ont été réalisés, qui offre aussi là des traces intéressantes sur les formes de participation et de coproduction dans le cas de l'Almagar. Alors ce que je vais faire en fait, c'est vous retracer en fait l'histoire de cette mobilisation des habitants dans le quartier de l'Almagar à Roubaix, et puis après je reviendrai sur des questionnements peut-être plus théoriques, notamment sur les questions de coproduction. Alors je sors pour un temps de pouvoir vous montrer, notamment pour nos collègues brésiliens, je me suis dit, une petite carte en fait, ça pourrait être pas mal pour montrer où se situe Roubaix. Je ne sais pas si vous voyez ma carte, donc Roubaix qui se situe en banlieue de la ville de Lille, donc tout à la frontière en fait au nord de la France, donc près de la Belgique. On voit qui est seulement le point. Ah mince, ah oui, j'ai pas arrêté. En fait. Est-ce que je vais réussir ouais, je... On va rester comme ça. Hop là. Donc c'est ça, voilà, je vais vous montrer la carte. Voilà. Roubaix, à la frontière belge en banlieue de Lille. Et après, je voulais vous montrer encore d'autres choses. J'ai réussi à vous montrer une photo. Non, juste pour vous montrer donc un peu à quoi ressemble. Je ne suis même pas sûr que ce soit tout à fait à Roubaix, mais c'est dans le coin, c'est à Lille. Mais donc Roubaix, qui est une ville historiquement ouvrière, c'était l'industrie textile en fait qui était dominante dans la ville de Roubaix, en tout cas jusque dans les années 70. Et en termes de forme urbaine, en fait, donc c'est beaucoup des, on appelle donc des courées, qui sont des petites cours et un habitat en fait fait notamment de petites maisons en fait de briques, comme vous les voyez ici, avec un élément important de l'histoire, puisque c'est précisément ce type d'habitat-là, en fait, qui était menacé par le projet de rénovation urbaine que commencent à mettre sur la table et à discuter en fait les pouvoirs publics à la fin des années 60, précisément parce que ce type d'habitat ouvrier traditionnel qui datait du 19e siècle commence à être particulièrement insalubre en fait, dans les années à la fin des années 60. Et donc, la solution proposée des pouvoirs publics, c'est de raser, en fait, ces courées, cet habitat ouvrier traditionnel, dans une perspective de aussi de moderniser et aussi de tertiariser, c'est le terme qui apparaît à l'époque, face au déclin de l'industrie textile. Il y a une volonté un peu de reconquête à la fois urbaine et économique du quartier et de la ville plus largement. On veut détruire ce quartier-là, et il y en a d'autres en fait aussi à Roubaix qui seront effectivement détruits, pour aussi faire venir des classes moyennes, changer la population de la ville et construire un habitat en fait plus vertical, des bars et des tours, avec l'idée que cet habitat plus moderne à l'époque permettrait de faire venir des classes moyennes. Et donc c'est contre ce projet en fait de réhabilitation, de rénovation assez dure en fait et assez radicale du quartier que vont se mobiliser un certain nombre des habitants à la fin des années 60, notamment dans une perspective de maintien de la sociabilité ouvrière traditionnelle, avec l'idée que justement cette forme urbaine-là des courées permettait des liens de sociabilité dense, une forme de solidarité ouvrière traditionnelle qui était menacée en fait par ce projet de rénovation urbaine, destruction de la sociabilité, puis aussi risque de départ en fait d'un quartier où on a ses attaches, son histoire, sa famille, ses amis. On voit bien d'ailleurs tout le caractère en fait très très contemporain, hein. Les questions se posent de façon relativement proche aujourd'hui dans nombre de quartiers populaires en France. Et donc, face à ce projet de rénovation urbaine qui commence à être évoqué à la fin des années 60, des habitants vont se regrouper et commencer à se mobiliser à la fin des années 60. On retrouve, en fait, c'est ça qui va faire aussi un peu la spécificité de l'Almagar, c'est la rencontre en fait entre des traditions militantes assez différentes, puisque on va d'un côté retrouver des militants chrétiens de gauche, on peut dire, qui sont notamment investis dans l'association qui s'appelle l'Association populaire des familles, donc c'est un réseau d'associations catholiques de gauche, investis sur les questions de cadre de vie à l'époque. Donc on a ce noyau militant là, et on a également en fait des militants maoïstes en fait qui se sont installés à l'Alma et à Roubaix à cette époque-là, notamment après, on est dans la période post 68 en fait, après mai 68. Et donc c'est la rencontre assez improbable en fait entre ces cathos de gauche et ces maoïstes et les habitants ouvriers traditionnels du quartier, avec une population aussi immigrée historiquement assez importante et implantée de longue date sur ce quartier, qui va constituer la base de la mobilisation. En 1974, vous voyez la deuxième séquence, en fait, ces différents groupes en fait vont fusionner, vont fonder l'Atelier populaire d'urbanisme, l'APU, qui devient le collectif qui va scander la participation à l'Almagar, et qui est un espace en fait qui a pour finalité de penser collectivement le cadre de vie, et assez vite en fait pour vocation de proposer un projet alternatif à celui de la municipalité, de proposer un contre-projet à celui de la rénovation et du rasage des courées, pour proposer en fait un projet de rénovation plus douce du quartier. Il y a un élément, et j'y reviendrai dans un instant, mais photo. En fait, ce qui nous a notamment intéressé, parce qu'avec Paula Cossard, on travaillait, continuer à le faire, mais beaucoup sur les questions de démocratie délibérative et participative et aux formes de délibération, notamment parmi les classes populaires. Et donc, un des éléments qui est intéressant à l'ALMA et dans le cadre de l'atelier populaire d'urbanisme, c'est qu'il va y avoir un espace de participation intense, et notamment ce qu'ils vont appeler la réunion du mercredi. Et donc, une réunion qui va se dérouler tous les mercredis soirs pendant plus de 7 ans, et donc toutes les semaines. Il y a un espace, en fait, ritualisé, on peut dire, cette réunion du mercredi soir, où les habitants du quartier, tous ces militants se regroupent et essayent à la fois de résister au projet des pouvoirs publics, et puis de progressivement, on va le voir, de construire un contre-projet. Et donc, il y a à la fois un espace de délibération et d'horizontalité. Marie évoquait la question tout à l'heure. Alors, on verra que ça n'a pas été si simple que ça, d'horizontalité. Puis en même temps, il y a l'articulation à ces espaces de participation, des formes d'action collective protestataire, l'occupation de maisons vides, des manifestations qui sont organisées à différents moments pour protester contre les projets des pouvoirs publics. Et donc, on essaye d'articuler, en fait, on peut dire, participation conflictuelle et participation délibérative pour faire entendre la voix des habitants, voix qui a été très largement ignorée dans les prémices de ce projet de rénovation urbaine. Alors, j'en reviens à l'histoire, et je vous dis, hein, je reviendrai un peu sur les éléments saillants plus en détail dans un instant. Donc, 1974, création de l'APU. En 1976, il y a un élément qui est tout à fait décisif et qui va être central dans les histoires de coproduction, et que l'Atelier populaire d'urbanisme va obtenir de l'État à l'échelle nationale, en fait, une aide technique, donc, qui s'appelle l'ABAC. Et donc, c'est l'arrivée de 3 urbanistes et un sociologue sur le quartier qui vont venir soutenir, en fait, le collectif d'habitants et qui vont notamment les aider à l'élaboration d'un contre-projet à celui des pouvoirs publics. Et donc, les sociologues et urbanistes arrivent sur le quartier, eux qui venaient pas de Roubaix, hein, qui arrivent de Paris et qui vont passer plus d'un an et demi, en fait, sur le quartier à travailler avec les habitants pour construire ce contre-projet. Je vous en dirai plus dans un instant. Au terme de cette séquence d'un an, et demi, en fait, de coproduction, en fait, ils proposent leur contre-projet. Et bon, ce qui fait un peu le caractère exceptionnel de l'ALMA, c'est que ce contre-projet va au final l'emporter, puisque le schéma directeur de réhabilitation du quartier va reprendre très largement les contre-propositions de l'atelier populaire d'urbanisme. Donc, fin 77, c'est un peu les conditions, en fait, sociales et politiques de cette victoire que je vais essayer de vous raconter tout à l'heure. Et après 77, en fait, on va rentrer dans une autre phase qui va être un peu une phase de professionnalisation, de gestion et un peu d'institutionnalisation, en fait, hein, qui va être une phase progressivement de déclin de la lutte, puisque les militants, en fait, qui ont gagné sur la question urbaine vont s'investir sur d'autres enjeux et vont fonder, en fait, des coopératives de bâtiments, de logements, etc. Et vont essayer, en fait, de s'attaquer à la question du chômage, en fait, qui devient extrêmement important dans le contexte de la désindustrialisation. Et on passe, en fait, donc à une autre phase. On passe d'un investissement et d'une participation très forte sur les questions urbaines à l'appropriation de la question sociale, en fait, sur le quartier, ce qui va s'avérer, en fait, beaucoup plus compliqué. J'en parlerai peut-être moins, mais c'est quand même important pour la suite de l'histoire. Donc voilà un peu sur les trois phases et le temps fort. Donc c'est le deuxième point là sur le slide, hein, qui est cette période 74-77, qui est le temps fort, en fait, de la coproduction, avec notamment la production, hop, je reviens, de cette carte affiche qui va devenir un élément tout à fait central, qui va être justement ce contre-projet, en fait, de rénovation du quartier. Alors, je vais lire ce qui est écrit. Synthétiser les revendications, on ne la voit pas très bien ici, mais je lis quand même ce qui est écrit. À l'Almagar, ça fait plus de 10 ans qu'on nous parle de rénovation bulldozer qui rase tout le quartier et en chasse les habitants. Nous, habitants du quartier organisé avec la CLCV, donc c'était les cathos de gauche, et la PU, nous voulons que le nouveau quartier soit fait avec les idées, selon les idées que nous avons définies sur cette carte avec les techniciens. Donc, voilà, et je vais essayer de vous raconter un peu comment on en est venu à la production de cette carte. Je vous l'ai dit, donc il y a un élément qui est tout à fait décisif, c'est cette réunion du mercredi, en fait, hein, où on va essayer de mettre en discussion les attentes, en fait, des habitants du quartier. Nous, on a beaucoup travaillé, on a retrouvé quelques archives, en fait, de cette réunion du mercredi, qui était pas aussi horizontale que cela au final, car les militants les plus aguerris en fait prennent quand même bien davantage la parole que les habitants qui n'avaient pas d'expérience militante et d'expérience participative préalable. Mais tout de même, en fait, c'est quand même dans cet espace-là que va se construire cette carte affiche et ce contre-projet principalement. Néanmoins, bon, le point sur lequel je voudrais insister en lien avec les questionnements de Coppoli, c'est cette histoire de collaboration avec ces architectes et sociologues donc, qui s'appellent Labac, quand ils arrivent en fait en 1976 sur le quartier. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent sur le quartier? Le premier élément, c'est de réaliser des fiches de santé des maisons. Un élément en fait, qui est tout à fait décisif dans la genèse en fait, du projet de rénovation urbaine promu par les pouvoirs publics, c'est de dire le quartier est insalubre, il faut le raser. Et en fait, les chiffres qui étaient mis en avant par les pouvoirs publics à l'époque, c'était que 2/3 des maisons du type de celles que je vous montrais tout à l'heure étaient insalubres et donc qu'il fallait les raser. Et là, donc les architectes en fait vont rentrer dans toutes les maisons du quartier, vont discuter, analyser cela avec leurs résidents et vont arriver en fait à un taux d'insalubrité très différent de celui qui était avancé par les pouvoirs publics et notamment la municipalité, puisque selon leurs calculs à eux et l'analyse très fine qu'ils vont faire avec ces fiches de santé, il n'y a en réalité qu'un tiers, une maison sur trois qui serait en réalité insalubre, ce qui du coup va quand même pas mal changer la donne, puisque ça enlève un des arguments centraux qui imposait une rénovation lourde en fait du quartier. Donc ça, c'est un premier élément qui est tout à fait décisif. Deuxième élément, en fait, ce que vont faire les architectes, donc quelque chose qui est assez classique en réalité désormais, mais je crois qu'à l'époque c'était pas si fréquent que ça, en fait, c'est qu'ils vont organiser des visites, des voyages, en fait, avec les habitants du quartier. Ils vont aller en Belgique, et c'est d'ailleurs en banlieue de Bruxelles, en fait, qu'ils vont trouver un projet qui va au final les nourrir et qui vont partir importer à Roubaix. Ils vont dire c'est ça qu'on veut faire à Roubaix. Donc, ils vont aller à Bruxelles. Ils s'inspirent aussi de choses qui se passent à Bologne à l'époque en Italie, où il y a des luttes aussi très importante, et donc avec cette idée d'élargir l'horizon architectural en regardant ce qui se fait ailleurs pour donner des idées. Autre élément qui est important en fait dans ce travail en fait de coproduction, c'est la présence sur le quartier d'un espace physique, en fait la maison des techniciens, où donc qui est juste à côté en fait de là où se réunit l'atelier populaire d'urbanisme pour notamment les réunions du mercredi. Et cette maison des techniciens, donc, est ouverte en permanence, en fait, permet aux habitants de passer et nous disent-ils, c'est ce qu'ils nous racontent beaucoup dans les entretiens, en fait, c'est là, en fait, très concrètement que, bah, ils venaient, en fait, aller regarder sur telle rue, c'est ça qu'on voudrait faire, telle maison, non, il faudrait plutôt la conserver, telle autre, non, en fait, on peut peut-être la détruire ou la réhabiliter plus fortement. Donc, il y a eu un travail très fin qui a pu être fait parce qu'il y avait une présence en continu sur le quartier. Néanmoins, donc un des architectes qui a joué un rôle central dans cette histoire, donc, qui s'appelle Raoul Pastrana, qui est d'origine d'ailleurs latino-américaine, nous raconte lui en entretien qu'il y a eu tout ce travail en fait qui a été fait de façon très fine avec les habitants. Néanmoins, au final, une expression qui nous a marqué à l'époque, c'est on n'a pas passé les crayons aux habitants. Et donc, ce n'est pas eux qui ont dessiné les plans du futur quartier. Et donc, sur la division du travail et les formes de coproduction, au fond, il n'y a pas eu une remise en cause quand même totale des frontières professionnelles, puisque c'est nourri de tout ce travail pendant plus d'un an que les architectes, au final, vont réaliser et proposer un certain nombre de choses. Ce n'est pas les habitants eux-mêmes qui ont entièrement dessiné la carte affiche ou proposé la forme que vont prendre les nouveaux logements qui vont quand même être construits sur le quartier. Puisque, au final, le projet de rénovation qui va être validé et finalement construit, en fait, donc c'est une rénovation douce du quartier. Il y avait vraiment clairement, comme je disais au départ, cette volonté de ne pas construire des barres et des tours, de ne pas construire donc, ce qu'ils appelaient des cages à lapins. Ils voulaient garder des choses pas trop hautes, donc il faut quand même construire quelques immeubles de 3-4 étages, mais il y avait cet enjeu de maintien de la sociabilité populaire traditionnelle que j'évoquais, et donc ils vont construire ce qu'ils appellent des coursives. essayer de vous montrer à quoi ça ressemble aussi. C'est notamment cette photo-là que je voulais montrer. Donc, c'est des choses comme ça, en fait, vous voyez. Et en fait, donc ça, c'est des logements neufs, en fait, qui construisent à l'Allemagne. J'espère que vous pouvez voir. Et en fait, donc, c'est des logements de 3-4 étages qui. Mince. Donc, je recommence. Là, c'est bon, vous voyez. C'est un peu en petit. Ça. Ah non, il faut que il y ait cliqué deux fois pour passer en option. Vous pouvez ou pas, non? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. OK. Et donc, les coursives, en fait, c'est notamment ce que vous voyez en hauteur, là, c'est des petits ponts et des passerelles, en fait. Alors, au final, on va raconter que ça ne s'est pas si bien passé que cela, mais il y avait cette volonté, justement, de créer des passages pour permettre, en fait, qu'il y avait cette idée qu'en fait, la coursive reprenait un peu la forme de la courée qui se matérialise beaucoup aussi par des petites venelles. Je ne sais pas comment vous allez réussir à traduire ça en portugais. Voilà, et donc des espaces de circulation entre les bâtiments. Donc, quand bien même, en fait, hein, tout le quartier n'a pas été, il n'y a pas eu de la construction partout, il y a eu beaucoup de réhabilitation des anciennes maisons et des courées. Donc, voilà, il y a eu ce travail quand même très, très intense pendant plus d'un an avec les architectes. Un élément qui nous a intéressé, c'est de comprendre déjà comment l'atelier populaire d'urbanisme est parvenu à obtenir le soutien de ces trois urbanistes et architectes et sociologues par l'État. En fait. Comment on arrive à cette situation quand même assez exceptionnelle où on a un contre-pouvoir qui est financé par l'État, puisque c'est ça qui s'est passé en réalité, puisque cette équipe de sociologues urbanistes est financée par l'État central à Paris, par le ministère de l'équipement, plus précisément, pour une période, ils auront un financement en réalité de plusieurs années. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a d'un côté une configuration politique, puisque à l'époque, le ministère est plutôt à droite, alors que la municipalité de Roubaix est de gauche, et c'est une ville historiquement socialiste. Et donc, au ministère, on n'est pas mécontent, en fait, de venir embêter la municipalité de gauche avec ces sociologues et architectes qui viennent soutenir le collectif mobilisé de l'atelier populaire d'urbanisme. Donc, il y a des jeux politiques quand même qui se sont joués à ce niveau-là. Et il y a aussi le fait qu'à cette époque-là, dans les années 70, en fait, au ministère de l'Équipement, il y avait des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, notamment Albert Mollet, qui a joué un rôle important, qui eux-mêmes sont quand même très sensibles aux idées de participation dans une période où la question de l'autogestion est très en vogue. Et donc tout ça en fait contribue Mollet qui va permettre ce financement-là est sensible en fait à la philosophie qui est défendue par l'atelier populaire d'urbanisme qui est celui précisément d'une rénovation du quartier parce qu'il n'a jamais été question de ne pas rénover le quartier mais avec et à partir des souhaits des habitants. Cette philosophie participative très fortement portée par la PU était en adéquation avec ce que portaient certains des fonctionnaires au ministère de l'équipement, est-ce qu'il va jouer un rôle tout à fait décisif. Et bon, je crois que c'est assez difficile aujourd'hui de retrouver des configurations identiques des institutions qui viendraient soutenir, peut-être qu'appui pour nous dire comment eux ils y parviennent, soutenir des contre-pouvoirs. Et ça va jouer vraiment un rôle tout à fait décisif, puisque en fait, sur la slide là, pourquoi la PU a-t-il gagné, c'est que ça va permettre une forme de retournement du rapport de force cognitif, puisque l'arrivée en fait de ces architectes. Julien, ouais. Excuse-moi, juste on voit pas les slides. Ah, et si jamais c'est possible d'éloigner le micro du clavier, on entend beaucoup le. Ça couvre un peu ta voix quand tu changes. Je vais arrêter de façon de taper. Alors, on voit plus les slides, donc il faut que je repartage. Désolé. J'en étais là. Donc voilà, pourquoi la PU a gagné, c'est le retournement du rapport de force et du rapport savoir-pouvoir en fait entre les institutions et le collectif militant qui s'est avéré tout à fait décisif via l'arrivée de ces architectes, de ces urbanistes sur le quartier, qui apparaissent en réalité beaucoup plus à la fois compétents, formés, parce qu'ils viennent de Paris probablement par rapport aux techniciens qui travaillent avec la ville sur le quartier. Néanmoins, la légitimité acquise par l'atelier populaire d'urbanisme ne tient pas qu'à l'arrivée de ces architectes sur le quartier, c'est aussi une légitimité qui est construite par le nombre, et tout le travail de mobilisation en fait, qui a été réalisé par les militants pendant des années a été également décisif, qui fait que quand bien même les militants Mao et chrétiens de gauche sont en première ligne, il y a quand même une base qui est très fortement mobilisée, et mobilisée pendant des années. Et donc, on a une légitimité qui est à la fois par le nombre et qui est une légitimité par la technique. Et puis, c'est précisément l'adéquation et l'interpénétration des deux qui va faire la richesse de l'expérience. Pourquoi ils gagnent ? C'est aussi qu'il y a un contexte en fait, qui va être favorable. C'est la victoire aux élections municipales de 77 en fait d'une liste d'Union de la gauche et notamment l'arrivée au pouvoir en fait de gens qui font partie d'élus qui font partie du Parti socialiste unifié du PSU qui sont sensibles aussi aux questions de participation qui ont un discours très autogestionnaire qui s'avère un élément important qui va débloquer en fait parce que quand même en 74-75 la situation est très tendue entre l'atelier populaire d'urbanisme et la municipalité, on est dans une situation et une période de rapport de force, et les municipales de 77 et l'arrivée au pouvoir de nouvelles générations d'élus plus jeunes, plus ouverts en fait à la question de la participation des habitants et de l'autogestion, va faire qu'à un moment en fait c'est compliqué pour les élus de tenir un discours de participation des habitants, autogestion, démocratie participative, et puis d'être dans une posture en fait de surdité vis-à-vis des habitants de l'Allemagne. Si bien que se crée en fait suite aux élections de 1977 un espace qui va jouer un rôle important, qui est donc ce qu'ils vont appeler le groupe de travail, qui est un espace en fait où vont se réunir pendant plusieurs mois les techniciens de la ville, les architectes de la BAC que j'évoquais tout à l'heure, les militants, un certain nombre d'habitants qui vont négocier pendant plusieurs mois sur ce qu'il faut faire pour le quartier. Comment on sort au fond du blocage et comment on parvient à une solution qui convienne à tout le monde. Et cet espace de négociation où il va y avoir un peu un jeu de médiation, en tout cas entre les différentes parties prenantes, va être tout à fait décisif pour qu'au final, fin 77, ce groupe de travail en fait acte la carte affiche telle qu'elle était proposée par l'atelier populaire d'urbanisme. Et là, c'est un élément, et on le verra tout à l'heure avec Clotilde, en fait, qui est tout à fait central. En fait, c'est l'existence d'un espace de négociation où au fond, on est à symétrie entre le collectif militant et les institutions. Et c'est extrêmement rare, en fait, me semble-t-il, en tout cas dans ce que je peux étudier par ailleurs aujourd'hui dans les projets de rénovation urbaine, qu'on ait des espaces où la domination institutionnelle ne soit pas totale. Et là, quand même, ce groupe de travail permettait cette symétrisation, ne serait-ce que par le fait qu'il y avait autant de participants du côté des membres de la PU que du côté des institutions. Très différent, par exemple, des comités de pilotage de l'ANRU, de l'Agence nationale d'urbanisme, de rénovation urbaine aujourd'hui en France, où les habitants sont certes parfois représentés via des conseils citoyens, mais toujours très minoritaires. Si bien qu'un des éléments, en fait, et un des enseignements, et on va voir, qui traverse jusqu'à aujourd'hui les formes de militantisme et de coproduction urbaine dans la ville de Roubaix, c'est un peu cette idée que pour pouvoir gagner et pour que la participation des habitants ait réellement un sens, il faut qu'elle marche sur deux pieds, à la fois des contre-pouvoirs puissants qui soient des espaces délibératifs, ce qu'on pourrait appeler en fait des contre-publics, pour reprendre Nancy Fraser, autonomes, ce qui ne veut pas dire autonomie, qu'il n'y a pas des financements et une forme de soutien institutionnel, mais quand même une forme d'autonomie qui a été l'atelier populaire d'urbanisme, contre-pouvoirs qui ont leur légitimité à la fois par le nombre, par le savoir d'usage et éventuellement par leur capacité de production de contre-expertise, et en même temps un deuxième pilier qui soit des débouchés institutionnels aux revendications des habitants, débouchés institutionnels qui ont été matérialisés dans le cas de l'ALMA par ce groupe de travail. Et on verra en fait que dans la suite de l'histoire roubaisienne, c'est que bien souvent cet équilibre n'a pas réussi à être tenu. Parfois, il y avait des contre-pouvoirs puissants mais sans déboucher, en fait, pour un tas de raisons. Et parfois, en fait, on avait des espaces de négociation relativement symétriques, mais des contre-pouvoirs habitants, en fait, tellement faibles qu'il ne se jouait plus grand-chose, en fait, du côté des, des espaces de négociation. Alors, quelques mots sur les suites de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe après la victoire, avant de passer la parole à Clotilde, c'est que, comme je vous le disais en introduction, en fait, suite à cette victoire, en fait, alors les gens restent mobilisés, hein, parce que c'est ils sont très une grande victoire pour eux, après des années de lutte, de réussir à obtenir gain de cause sur, voilà, et de parvenir à ce que le quartier soit rénové selon leur souhait. Ils disent, bon, il ne faut pas qu'on s'arrête là, maintenant, le projet, la question à laquelle il faut qu'on s'attaque, c'est le chômage de masse, voilà, qui commence à monter. Et donc, l'idée, c'est de créer des emplois sur le quartier. Et donc, ils vont créer, comme je vous le disais, des coopératives, des initiatives en fait économiques pour employer les habitants du quartier qui se retrouvent au chômage après la fermeture des usines. Ils vont créer aussi une régie de quartier. C'est une idée qui va faire Florès, parce qu'il y a aujourd'hui encore des dizaines de régies de quartier en fait un peu partout en France. La première a été créée début des années 80 à l'Almagar, régie de quartier qui se voulait en fait un espace de un peu, on peut dire de gestion, voire d'autogestion des habitants, des problèmes du quartier, des problèmes quotidiens du quartier par les habitants eux-mêmes, remplacés par exemple le gardiennage, mais aussi tous les petits problèmes en fait de cadre de vie, avoir un espace en fait de délibération collective autour des problèmes quotidiens dans le quartier qui soit un peu institué. Ça va en fait pas très bien marcher, mais il y avait cette idée-là en fait de poursuivre la participation d'une phase de revendication à une phase de gestion en fait du quartier. Et ce qui se passe en tout cas, c'est que les militants les plus investis, s'investissant ailleurs que dans le projet urbain en tant que tel après la victoire, ben en fait la phase de mise en œuvre en fait du projet ne va pas exactement se réaliser comme prévu. En fait, il y a davantage de maisons qui vont être détruites qu'il n'était initialement prévu dans les plans, et voilà, il y a un certain nombre de choix architecturaux qui ne vont pas respecter ce qui avait été décidé en 1977, et donc entre ce qui a été décidé victoire et ce qui va finalement sortir de terre 7 ans plus tard avec de longues années de travaux, et c'est aussi la durée des travaux qui va poser problème de ce point de vue-là, il y a quand même une forme de hiatus. Travaux qui durent longtemps, projet qui n'est pas exactement à l'image de ce qui avait été décidé. Autre difficulté, en fait, c'est qu'ils avaient en fait décidé en 77, il y avait cette histoire de coursive dont je vous ai parlé, mais il y avait aussi cette idée de construire des appartements relativement grands, beaux. Il fallait faire du beau pour la classe ouvrière. Il y avait un peu cette idée-là, quand même, à l'époque. Ce qui se passe, en fait, alors c'est tout à fait technique, mais en 77, en fait, sont créés les APL, les aides pour le logement, qui fait qu'en fait, ceux qui peuvent bénéficier des aides pour le logement, et notamment les catégories les plus populaires, vont pouvoir loger dans ces grands appartements qui sont de bonne qualité à l'époque et relativement spacieux. Mais ceux qui ne peuvent pas bénéficier de ces aides pour le logement, et notamment les classes moyennes qui habitaient encore sur le quartier, ben en fait, les appartements vont s'avérer trop chers, notamment en termes de charges, de chauffage, etc., d'électricité, et en fait, vont assez rapidement quitter le quartier. Bien qu'il y a un processus en fait un peu de white flight qui va s'opérer à ce moment-là, associé avec des politiques de peuplement ethnicisé, il va y avoir en fait une forme de revanche institutionnelle sur l'atelier populaire d'urbanisme. En fait, la ville de Roubaix, deuxième élément politique qui est important, autant les élections municipales de 77 avaient joué un rôle important pour permettre en fait d'avaliser la victoire du collectif. Celles qui ont lieu 6 ans plus tard, en 1983, voient la ville basculer à droite. Et la droite va être dans une perspective un petit peu différente, et ils vont vouloir en fait casser la dynamique habitante. Et une des façons de faire, ça va être notamment sur le peuplement en fait, de ces nouveaux logements. Et ils vont très quasi exclusivement en fait y loger des classes populaires immigrées, ce qui là aussi aura des conséquences sur la dynamique sur le quartier. Donc, au final, on a en parallèle de ça une forme d'usure militante qui s'installe, une répression institutionnelle à l'égard des militants qui va s'intensifier, je pourrais vous en dire un peu plus, des militants qui, usés, vont pas véritablement réussir à transmettre le flambeau à la génération d'après, si bien qu'à la fin des années 80, la dynamique en fait de l'atelier populaire d'urbanisme va assez largement s'estomper, les militants historiques quittent le quartier, et on peut dire que nous on termine le livre à ce moment-là, puisqu'on peut dire que la période dorée de l'ALMA se clôt, et on rentre dans une autre phase, qui est plutôt celle de la démocratie participative plus institutionnalisée qui se met en place à l'époque. Néanmoins, c'est là que je vais passer la parole à Clotilde, j'ai déjà été un peu trop long, mais on va voir que la mémoire de l'Almagar, l'esprit de l'atelier populaire d'urbanisme continue d'habiter un certain nombre de militants et de façonner les pratiques de participation et de coproduction urbaine à Roubaix. Clotilde, c'est à toi. Merci. Alors, donc, en fait, moi, je vais parler un peu plus de l'histoire actuelle et de en fait, comment l'Almagar inspire encore les pratiques. Donc, dans le cadre du programme de recherche Copolis, à Roubaix, on travaille autour d'un projet de ferme urbaine qui a lieu dans le quartier du Trichon. Et c'est un projet qui est notamment porté par une association qui s'appelle l'Université populaire et citoyenne de Roubaix, qui a été fondée en 2004 par des anciens de la lutte de l'Almagar. Et certains sont encore dans le conseil d'administration de l'association et actifs au quotidien dans l'association. Et en fait, une des questions que nous, on se pose, c'est un peu comment l'Almagar, elle nourrit ce qui se passe sur la ferme urbaine et est-ce que c'est des pratiques qui façonnent encore les pratiques existantes. Donc, on va passer à la slide suivante. Je ne sais pas si je peux le faire moi-même. Je ne vois plus le partage d'écran. Alors, je ne sais pas si Julien, tu veux que je partage mon écran du coup plutôt ? Pourquoi ça marche plus? Hop là, mais c'est bon, vous voyez? Non, moi je vois ça. Non? Ouais, là c'est bon. Ok, super. Alors du coup, l'imaginaire de l'Almagar, il est fréquemment mobilisé par l'Université populaire et citoyenne, qui en fait analyse ses pratiques à la lumière de cette lutte urbaine, et notamment à travers les éléments qu'a mentionné Julien sur qu'est-ce qui a bien fonctionné. Et c'est des choses que les militants ont identifiées eux-mêmes, aussi parce qu'il y a eu de nombreux travaux sur ce sujet. Donc, ce qu'ils ont identifié, c'est notamment l'existence d'espaces autonomes de délibération entre associations, donc autonomes des pouvoirs publics, une aide technique aux habitants, des espaces de négociation avec les élus, la présence d'habitants leaders et la mobilisation d'habitants du quartier. Et en fait, les membres de l'UPC opèrent une filiation entre leur expérimentation et la lutte de l'Almagar. Et ils utilisent aussi cette expérience comme un moyen d'analyser leur action, à la fois a posteriori, si cette dernière n'a pas réussi, ou pendant qu'ils sont en train de la faire, pour identifier qu'est-ce qui manque afin que l'action soit réussie. Donc, c'est un peu l'Almagar, c'est un peu un compas des actions de l'UPC. Et notamment, on peut voir là sur la slide un cahier de l'Université populaire donc, qui est le résultat de plusieurs jours de séminaire qui s'intitulait « De l'Alma à l'Union vers un écoquartier exemplaire ». Et en fait, lors de ces conférences, un des membres de la lutte de l'Almagar, Joël Campagne, qui est également membre de l'UPC, a fait une présentation de la lutte urbaine. Et après, il y a eu une discussion avec les personnes mobilisées sur le quartier de l'Union, qui est en fait un quartier au nord de Roubaix qui faisait partie d'un programme de rénovation. Et ils ont discuté sur comment on peut mettre en place des choses à l'Union à partir de cette expérience de l'ALMA. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Et en fait, je vous ai mis une phrase de Denise Boucher, donc, qui était aussi à l'Almagar et qui est membre de l'UPC, qui dit « Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une continuité par rapport à l'ALMA. Parce que c'est toujours comment tu mets du débat, comment les gens s'expriment, et particulièrement les habitants. » En fait, il y a un peu un fil rouge, une continuité entre l'ALMA et aujourd'hui qui est faite régulièrement, comme si c'était un peu une histoire qui planait au-dessus des pratiques de l'Université populaire et citoyenne. Et du coup, ça se traduit dans les différentes expérimentations qu'ont menées l'association. Et par exemple, au niveau du quartier du Pile, il y a eu une expérimentation avec un dispositif qui s'appelle la table de quartier. Donc, c'était un dispositif participatif lancé suite au rapport Baquet-McBash. C'était l'idée d'avoir une participation permanente dans les quartiers. Et dans le quartier du Pil, qui est un quartier à Roubaix, il y avait un programme de rénovation urbaine qui visait la destruction de plusieurs logements d'habitants. Et la table de quartier était animée par l'Université populaire et citoyenne. Mais finalement, c'est une lutte qui n'a pas été victorieuse. Il y a eu un conflit très fort avec les institutions, mais pas vraiment d'espace de négociation. Et Joëlle Campagne analyse pourquoi ça n'a pas fonctionné en disant « Sur le pil, ça ressemblait à l'Almagar, mais il n'y avait pas d'habitants leaders. » Donc, il y avait les habitants qui suivaient, mais ils suivaient. La mairie a eu le beau jeu de les prendre un par un et de casser la mobilisation. Et finalement, sur le projet de ferme urbaine au Trichon, il y a la filiation qui est faite aussi avec l'Almagar, mais comme là, c'est une expérimentation qui est en cours, en fait, l'Almagar et sa mémoire est utilisée pour éclairer ce qui se passe en ce moment et essayer de comprendre quelle posture devraient avoir les uns et les autres et quels ingrédients il manque. Par exemple, lors d'une réunion, on discutait avec les membres de l'association du rôle d'intermédiaire et du fait qu'il fallait avoir ce rôle de manière plus proactive du côté des associations. Et spontanément, la référence à l'Almagar est venue avec Denise qui dit « Ça me fait penser au mode de fonctionnement de l'ALMA avec des experts à qui on demandait de réaliser la traduction de la demande des habitants et pareil pour les institutions. » Donc finalement, on peut un peu se demander si le Trichon, ce ne serait pas un almabis, est-ce que ça n'aurait pas les ingrédients d'une mobilisation comme l'Almagar réussie. Donc c'est la prochaine slide. Et en fait, on voit que la gouvernance du projet est nourrie par l'imaginaire de l'Almagar, et notamment par ces espaces de délibération collective et ces espaces de négociation avec les élus. Alors, je ne sais pas si ça s'affiche pour vous. Donc, du coup, je vous montrerai après le schéma. Mais en fait, au niveau... voilà. Donc, c'est ici. Donc, en fait, là, c'est un peu le schéma de la gouvernance. Donc, il y a un espace qui est le point fixe et la grande table. Donc, ça, ce sont les espaces de délibération collective entre associations où les associations travaillent leurs projets entre elles, négocient en fonction des différents projets. Il y a un lien qui est clairement fait avec l'imaginaire de la réunion du mercredi, qui était notamment l'espace de la constitution d'une parole collective face aux institutions. Et la grande table permet aussi d'être du coup préparée pour ce qu'ils ont appelé le conseil de la friche, qui est un espace de négociation avec les élus, les bailleurs, pour présenter le projet de l'association, discuter collectivement de ce qui est possible ou pas de faire, se confronter à la réglementation municipale. Et là aussi, plane un peu l'imaginaire du groupe de travail dont avait parlé Julien. Et enfin, on a aussi des techniciens et des chercheurs qui jouent le rôle d'intermédiaire. Et donc, je ne sais pas si ça se voit ici, mais sur le schéma, vous avez une partie acteurs académiques avec AgroParisTech et notamment le CERAPS, mais aussi Centrale Lille. Et donc, en fait, on a un peu une... Comment ? Une gouvernance qui ressemble à l'Almagar. Et ce qui était caractéristique aussi de la lutte urbaine, Julien est revenu dessus, c'est un peu une forme de coopération conflictuelle. Et sur les différents espaces, sur les différentes expérimentations de l'UPC, donc au niveau de l'expérimentation sur le quartier de l'Union, il y avait un espace de négociation avec une convention avec l'aménageur, la SEM Ville Renouvelée, mais pas de conflit, ce qui fait que l'action des associations a été finalement neutralisée et se sont retirées du projet. Au niveau du quartier du Pil, il y a eu un conflit fort avec la mairie, avec un rejet de la proposition des habitants et des associations, mais du coup, pas d'espace de négociation, vu qu'il n'y avait aucun dialogue possible. Et au Trichon, on aurait donc une synthèse, un espace de négociation avec le Conseil de la Friche. Pour l'instant, il n'y a pas de rapport de force, mais vous voyez ici l'Assemblée du Trichon. L'idée, c'est à travers un travail de mobilisation, de porte à porte, de faire une assemblée des habitants pour venir constituer ce rapport de force. Mais en fait, finalement, dans la vision des associations, la mobilisation des habitants, elle n'est pas là dans une optique de conflit avec les institutions, mais plutôt l'idée de venir se renforcer pour pouvoir peser suffisamment sans forcément être dans un rapport conflictuel. Et c'est là qu'on a une différence importante avec l'Almagar, c'est que finalement le conflit et le rapport de force est rejeté au profit d'une survalorisation de la coopération. Et cette valorisation de la coopération, elle est justifiée par un peu l'objet sur lequel ils travaillent, ce qui est l'environnement, avec l'idée que l'environnement, ce serait l'affaire de tous. Et du coup, on peut se demander comment des gens marqués par l'imaginaire conflictuel de l'Almagar et qu'ils mobilisent régulièrement sont sur quelque chose de finalement très consensuel. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une dilution de l'imaginaire dans les pratiques et que l'articulation entre la coopération et le conflit qui a permis à l'APU de négocier sur un pied d'égalité avec les institutions, c'est plus central dans l'histoire transmise autour de la lutte. Pour l'UPC, l'histoire de l'Almagar, ce n'est pas le conflit, mais c'est une expérience qui fonctionne, qui permet aux habitants d'avoir un impact sur leur quartier, sur les politiques publiques. Et finalement, ça nous amène à prendre en compte d'autres imaginaires en dehors de ceux de l'Almagar et le fait que les dispositions individuelles sont importantes pour comprendre ce que font les acteurs collectifs. Et finalement, les membres de l'UPC, en plus d'avoir participé à l'ALMA, ont aussi eu diverses expériences, comme le fait de s'être présenté à des élections locales, d'avoir été élu, d'avoir participé à des mouvements pour la non-violence. Et il y a un peu, voilà, une forme d'aversion du conflit et une forte valorisation du débat. Mais finalement, si quelque chose perdure de l'Almagar, c'est ce que Julien avait dit tout à l'heure, c'est la coproduction et la coopération avec des techniciens et des universitaires. Donc, c'est une constante de l'UPC dans les différents projets depuis sa création en 2004. Et au Trichon particulièrement, il y a un renforcement de cette collaboration qui se fait à la fois avec des chercheurs en sciences sociales et avec des chercheurs en sciences de la nature. Donc, l'Université populaire, elle a connu des périodes de conflictualité avec la municipalité, qui, dans le cas du PIL, notamment, ont conduit à une suppression d'une partie de ses subventions. Et en fait, la collaboration avec des chercheurs, ça a été un moyen pour elle de se relégitimer aux yeux des institutions en montrant le sérieux de sa démarche à travers une coopération avec les chercheurs. Et également, une légitimation qui a été trouvée grâce à des financements, vu que des programmes de recherche, comme des recherches actions, etc., ont permis de trouver des financements, des appels à projets pour mener à bien le projet, mais aussi survivre dans un contexte de raréfaction des ressources financières de l'association. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Adèle, si tu veux prendre la parole pour la discussion. Oui, bonsoir. Mais je suis très contente de l'occasion de discuter ces deux présentations très, très riches. Je vois qu'elles intéressent encore beaucoup de monde, malgré le fait que nous avançons vers la période estivale. Alors, écoutez, je vais essayer de faire une synthèse assez maladroite, mais des deux interventions et aussi de la lecture en le superposant aussi avec une lecture de l'ouvrage et puis le lien, en faisant le lien avec Coopolis et des travaux afférents. Alors, je vais retourner, si vous permettez, vers mes notes et je remercie bien sûr les organisateurs du séminaire ainsi que les traducteurs de ce soir, Pedro, Philippe, et bien sûr, Julien Alpin et Clotilde Saudier pour cette intervention. Alors, je vais tout d'abord, en préambule, en quelque sorte, en préalable, je vais reprendre à partir de l'ouvrage un petit fil et puis souligner le fait que, à mon sens, il y a deux histoires, il y a deux grandes histoires emblématiques en France des mobilisations sur la rénovation urbaine. Avant la période de rénovation en rue, disons, c'est l'Almagar et Belleville. Alors, c'est intéressant, quand j'ai commencé mes études en sociologie, enfin, urbanisme, assez longtemps, l'Almagar était une référence constante, notamment mobilisée beaucoup par quelqu'un comme Anne Carrien. mais il n'y avait pas beaucoup de travaux transmis, en fait, jusqu'à ce jour, à la différence de Belleville. Et donc, l'ouvrage, il me semble que l'ouvrage lutte urbaine est aussi, aussi une étape, un jalon très, très important dans la documentation et dans la compréhension de ce fait un peu rare qui est une résistance réussie et capacité de retournement d'une situation imposée, certes, mais une situation qui n'était pas simplement locale, mais qui se retrouvait déployée dans toute la France. Alors, cet ouvrage, d'abord, et ce qui vous a été raconté aujourd'hui aussi, cet ouvrage, c'est une somme, c'est profond, c'est vivifiant, parce que c'est une histoire qui montre, d'une part, que l'éradication des quartiers insalubres et des quartiers populaires délaissés n'est pas une fatalité, et qui montre aussi la voie pour la rénovation urbaine aujourd'hui et d'une certaine façon pour d'autres mobilisations et d'autres formes de coproduction en quartier politique de la ville, mais pas seulement dans d'autres domaines. Et on voit bien aussi que ça se déploie sur les questions environnementales, de justice environnementale et plus largement de justice spatiale. Alors, on peut se situer, je vais me situer délibérément dans les ressemblances, enfin, entre, disons, dans une espèce de creux de la vague entre les ressemblances et les différences, avec ce dernier type de mobilisation, c'est-à-dire celle de la rénovation urbaine aujourd'hui, pour souligner ce qui me semble être des spécificités de la mobilisation et des luttes urbaines de l'Almaga. Je ralentis parce que j'avais oublié qu'il y avait des traducteurs. On pourrait faire presque un décalque en fait, des termes que vous utilisez avec ceux qu'on utiliserait aujourd'hui sur la rénovation urbaine ou sur la coproduction en matière urbaine. Mais pourtant, les réalités sont quand même assez différentes. On a bien une montée en compétences, on a le fait d'apprendre à travailler ensemble ou à composer ensemble. Mais alors justement, premier temps de parallèle et de réflexion, celui justement du référent spatio-temporel. Ça me semble être un point très important dans vos démonstrations. Et qui est quelque chose aussi à retenir dans la recherche participative, l'importance de ces références spatio-temporelles. Alors, là aussi, je me sens obligée de faire un parallèle entre l'Almagar et la Coudray, qui est considérée comme une mobilisation réussie, avec aussi un cadre de coproduction, même si à l'époque, il n'était pas analysé comme tel, dans les années 2010. On a dans un cas la réunion du mercredi, à l'Almagar, à la Coudray, on a eu bien les réunions du mardi qui ont duré, disons, entre 7 dans le cas de l'Alma et 10 ans, là au moins, dans le cas de la Coudray. À la Coudray, c'est décrit comme un moment d'échange et de partage, donc on voit bien que cette idéalisation aussi de ce temps, puisqu'il gomme en partie des conflits internes, de toute façon, est nécessaire pour la construction d'un dire en commun, d'un faire en commun. On a là, donc, et ce que souligne bien l'ouvrage et les deux interventions, c'est à la fois ce référent temporel, mais aussi le fait que la présence de la salle de réunion et d'une vitrine dans le cas de l'Almagar, qui sont donc des lieux de visibilité de la mobilisation, et donc une invitation permanente aussi à se saisir de cette visibilité, de cette mobilisation pour s'adresser, en quelque sorte, si je comprends bien, au public, enfin, à l'ensemble de la communauté, même, on dirait, du quartier. Parce que c'est plus qu'un public, en fait, c'est presque une communauté. On a également, dans ce référent spatio-temporel, la question de la dimension de l'assistance technique. On y reviendra avec une équipe dédiée, présente plusieurs jours par semaine et durant plusieurs années, ce qui est absolument un fait, on est peut-être que tout à fait d'accord, tout à fait rare. Et c'est bien cette capacité à investir la mobilisation dans la durée qui a été investiguée dans ces travaux et sur lesquels je suis reconnaissante aussi à Julien de s'être interrogée sur les conditions de possibilité de l'émergence de ce groupe mis à disposition en quelque sorte et avec la figure d'Albert Mollet, bien entendu. Et puis, je signale qu'on retrouve aussi ces filiations, j'y reviendrai dans un autre point juste après. Dans les quartiers dans lesquels la rénovation urbaine actuelle en quartier en rue peut avoir été considérée comme ils n'ont peut-être pas réussi, mais avoir généré des formes de coproduction durables. Effectivement, je pense au Groux, à Fresnes, etc. On a là bien aussi la force ou l'importance d'un local qui est un lieu voilà, où la mise à disposition de locaux. En revanche, on a aussi des mobilisations dans lesquelles, et de plus en plus, ça fait partie peut-être des formes de, pas de répression, mais d'empêchement en fait, de la mobilisation, où il est très difficile, dans la plupart des cas, aujourd'hui, de trouver des locaux, de se réunir, etc. Donc j'ai remarqué aussi dans votre propos, enfin dans le propos là c'est surtout dans l'ouvrage, mais de l'importance de ces références spatio-temporelles pour situer finalement la question de l'ancrage et de la solidarité. Alors le terme solidarité revient plusieurs fois dans l'ouvrage, je ne sais pas si Julien l'a mentionné là, je n'ai pas l'impression, mais je souligne que cette solidarité elle s'est évidemment construite dans le temps long. L'anecdote de la machine à laver qui est racontée dans l'ouvrage qui est cet objet collectif, finalement d'utilité collective qui va circuler dans le quartier grâce à l'action du couple Lehmann peut-être même de Madame Lehmann n'est pas fait partie de cette construction d'une solidarité de quartier dans laquelle les acteurs intermédiaires et les militants sont eux-mêmes, dont ils sont eux-mêmes partie prenante. Ça c'était pour le premier point. Le deuxième point, c'est dont on peut, il me semble, discuter, c'est cette trajectoire de politisation et l'autonomie de la délibération sur lesquelles vous êtes revenus tous les deux et qui permet peut-être d'interroger d'abord cette forme de politisation à travers est-ce que ça aurait le moindre sens de parler de démocratie de la défiance déjà au centre de Rodin Wallon dans les années 80 ou à la fin des années 70, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que un des points communs avec ce qu'on va trouver aujourd'hui dans les luttes pour la rénovation urbaine et les mobilisations c'est la recherche de l'information qui reste le socle de base et le fondement de ces actions et puis ensuite ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que dans votre cas, les luttes, enfin cette réussite, ou cette capacité à perdurer dans le temps, eh bien, c'est lié au fait de s'être inspiré de lutte ouvrière, c'est-à-dire de tradition d'organisation ouvrière, avec cette coprésence de mouvements à la fois chrétiens de gauche et de mouvements maoïstes, qui d'ailleurs rappellent un peu, d'une certaine façon, la tradition des établis. Tout cela effectivement ne cesse d'interroger dans des quartiers, dans des quartiers prioritaires aujourd'hui où se situent les nouvelles formes de rénovation urbaine, en tout cas pilotées ou organisées ou contrôlées par l'ANRU, financées par l'ANRU avec de gros moyens financiers, mais dans lesquels effectivement on voit que certains quartiers les plus mobilisés sont ceux aussi qui s'inspirent des luttes ouvrières ou qui sont issus, en tout cas, de regroupements ouvriers. C'est le cas notamment à Poissy avec les usines Renault tout le bassin de la Seine. Mais c'est aussi toute la question de cette coopération conflictuelle. Elle peut être réinterrogée aujourd'hui à la lumière d'une question quand même que je voudrais vous poser, qui est celle de... l'individualisation des trajectoires contre lesquelles on voit bien l'Almagar, la mobilisation a permis de contrer d'une certaine façon l'individualisation du traitement, mais dans le cas de l'ANRU, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Et puis d'autres choses, c'est la faiblesse relative, dont il est commun de parler aujourd'hui, de la mobilisation. Alors qu'en est-il justement de votre appréciation, de cette appréciation possible de l'importance de la mobilisation, des mobilisations et de la politisation dès la fin des années 70, avec ses influences chrétiennes de gauche maoïste, autogestionnaires, etc., notamment, dans la constitution, dans la solidification de ces mobilisations. Parce que, évidemment, ces questions, elles sont un préalable pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui, après, permet la coproduction. Et puis, ça revient aussi à poser la question de savoir comment se forme ce « nous », le « nous », par exemple, de cette carte affiche qui est explicité dans la carte affiche, quel est ce nous. Et troisième point, donc j'en arrive au troisième point, qui est celui des corps intermédiaires, bien entendu, qui est extrêmement important, facilitateur de la coproduction. Coproduction dont on rappelle que je pense qu'une des particularités dans votre propos, c'est que la coproduction, elle vient pas un peu comme un artefact technique ou un petit moment dans un contre-projet ou dans un projet alternatif ou même dans un dispositif participatif institutionnalisé, mais elle est véritablement la coproduction, même si ce mot n'est pas beaucoup utilisé dans l'ouvrage, je crois. Elle est véritablement centrale parce qu'elle est circulaire et le faire et le dire et le décider ensemble vont vraiment de pair et s'auto-renforcent mutuellement. Donc la question des corps intermédiaires est extrêmement intéressante. Je ne sais pas si effectivement il y a eu des équivalents de la BAC. Je crois que là encore on peut mobiliser un tout petit peu quand même le cas de Belleville parce qu'on a eu appel à des qui a fait le quartier s'est mobilisé pour faire appel aussi à des experts extérieurs. Je crois qu'il y aurait aussi le cas de l'expérience du CERFIS. Et je rappelle que tout ceci a été demandé par exemple dans les 2-3 ans dans le cadre d'une campagne pour la démocratie d'interpellation. Des acteurs dont l'association Appui et Passons Nous demandent à avoir des fonds pour faire appel à une expertise indépendante et cette demande n'a jamais été entendue. On voit à quel point il est extrêmement novateur à la fin des années 70 d'arriver à avoir construit cela et avoir permis ce travail de longue haleine puisque Julien a appelé un rapport de force cognitive, donc j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ce rapport cognitif, cette modification et ce déplacement de ce rapport de force cognitif via ce groupe de travail qui a fini par acter la carte affiche. Alors, on pourrait souligner, mais je vais être trop long, que ces corps intermédiaires, eh bien, ils ont donné lieu, d'une certaine façon, il y a une circulation de ces acteurs qui se retrouvent encore jusqu'à présent, puisque certains ont été se retrouvés dans Actes Consultants, il me semble, et puis dans les techs, et voilà, et l'histoire se prolonge un peu comme cela. L'école d'architecture de Paris-Lavillette avec Raoul Pastrana, qui était de la Villette. Voilà. Dernier point, la coproduction comme processus itératif. Dans votre cas, apprendre à travailler ensemble, ce qui est le titre d'un documentaire qu'on avait réalisé dans un programme de recherche antérieur, c'est le moyen d'instaurer une continuité dans les actions aussi. Et la coproduction, donc, elle n'est pas vue comme un artefact participatif, mais comme une nécessité. Alors, ce processus itératif, c'est très intéressant de voir comment il s'est institué, comment il s'est créé, et est-ce que savoir si effectivement il se prolonge avec cette ferme du Trichon et si s'il impose une façon de composer en commun, une partition collective dans laquelle chacun se retrouve, parce que, et ça c'est très important, ça n'avait pas été imposé par un agenda extérieur, mais c'est basé sur un partage de compétences collectives techniques et puis surtout la capacité à jouer avec les récits individuels, c'est-à-dire précisément l'inverse de ce que les dispositifs participatifs institués n'arrivent pas à faire. Je rappelle les travaux de différents auteurs, Marion Carrel, mais aussi la thèse, les travaux de Benjamin Leclerc, notamment sur Trappe, etc., et sur l'intermédiation dans les quartiers d'habitat social. On voit bien la difficulté d'émergence de récits singuliers qui sont constamment rabattus, en fait, sur un collectif un peu parfois imaginaire. Voilà. Écoutez, j'ai déjà été extrêmement longue, mais j'espère que ces questions, enfin, ces remarques, en tout cas, s'adressent à vous deux et permettent aussi de céder la parole au public, hein, aux auditeurs. Merci beaucoup Agnès, on répond direct ou on prend quelques questions, c'est comme vous voulez. Peut-être que vous pouvez répondre rapidement maintenant et ensuite on prendra des questions. Il y a déjà quatre questions qui ont été posées. Mais répondez d'abord. Ok, ouais, merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait, j'ai vu certaines des questions en tout cas dans le chat. Je vais essayer peut-être de faire des ponts. Alors peut-être un premier point sur cette mobilisation très forte quand même sur le quartier, qui est liée à la fois à un contexte effectivement, je pense qui est favorable. Et j'ai peut-être pas insisté suffisamment là-dessus, c'est-à-dire que le fait que l'histoire se déroule après 68, qu'il y ait quand même, ça, je pense que c'est un moment historique assez spécifique. Dans l'histoire de France, où il y a quand même une mobilisation très forte, une politisation de la société qui va se retrouver dans les institutions aussi. Hein, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Et au fond, les architectes d'ailleurs de la BAC qui vont arriver à Roubaix, eux-mêmes sont des architectes militants et nourris par cette période-là. Donc, le contexte est important. Néanmoins, je voudrais redire ici, au fond, que l'importance de la mobilisation et de la politisation évoquait Agnès, est aussi lié quand même au travail militant en fait qu'a réalisé l'APU pendant des années. Voilà, nous ce qu'on essaye de faire, très clairement, c'est la façon, avec Paula, on n'est pas historien, elle est sociologue, moi je suis politiste, donc on a regardé cette histoire-là avec des lunettes, alors ce que font aussi les historiens, vous me direz, mais on a vraiment regardé l'histoire de l'Allemagne avec des questionnements très contemporains, qui étaient compris, des questionnements contemporains qui sont ceux que tu évoques. Et voilà, et de ce point de vue-là, très clairement, un des éléments qui ressort, c'est au fond, le volontarisme militant comme condition de réussite, en fait, hein, des mobilisations d'habitants. Alors, c'est... Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est que, au fond, avoir des militants qui sont quasiment des professionnels de la cause. Alors, le couple Le Mans que tu évoquais, qui a été tout à fait central dans cette histoire, était quasiment des professionnels, en fait, et qui est un peu comme, moi, au moment où je rédigeais le livre sur l'Allemagne, je travaillais en même temps sur le community organizing aux États-Unis, d'une certaine façon, le couple Le Mans, c'était un peu des organisateurs communautaires dans le quartier de l'Allemagne, en fait, qui faisaient ce travail d'aller chercher les gens, faire du porte-à-porte, et un élément tout à fait décisif dans ce travail militant, c'était de résider sur place. Et je crois que là, ça a été un élément qui est central, y compris dans la légitimité des militants. Et d'ailleurs, moi, quand je fais le parallèle avec d'autres luttes, Clotilde évoquait celle du quartier du Pile, donc, qui s'est déroulée il y a quelques années, toujours à Roubaix, dans un autre quartier donc, de Roubaix. Un des angles d'attaque de la disqualification des institutions de cette mobilisation était précisément qu'une partie des militants ne résidait pas dans le quartier, en fait, et donc n'aurait pas de légitimité pour intervenir, proposer et accompagner, en tout cas, les habitants dans leur combat. Là, le fait de résider sur place, alors non seulement ça évite ce type d'attaque, et par ailleurs, ça contribue à la solidarité et à au fond le travail militant, il est quotidien. Voilà, nous, Marie-Agnès Le Mans, expression qu'on utilise souvent, elle nous disait moi, quand j'allais chercher le pain, ça pouvait prendre 3 heures, en fait, parce qu'elle voyait en fait les gens, etc. Et donc ça, c'est le fait que c'était pas un travail militant ponctuel, mais continu. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur cette question du nous, qui est effectivement tout à fait intéressant. Et nous, ce qui nous a frappé, nous, quand je dis nous, c'est avec Paula, c'est en fait vraiment l'émergence à cette époque-là d'une catégorie qui depuis a fait florès dans la politique de la ville et la démocratie participative en France, c'est la catégorie d'habitants. Catherine Neveu a beaucoup travaillé là-dessus, et donc le nous, c'est nous, habitants. Et donc la magie de ce nous à l'ALMA, c'est que ce nous vient d'une certaine façon regrouper des gens au profil social très différent. On avait des ouvriers ou des ouvriers au chômage, on avait des gens d'origine immigrée ou non, on avait des gens plutôt de classe moyenne, type les militants maoïstes, et donc des classes très, très populaires, et donc le nous habitant subsumait tout ça. Un élément néanmoins qui me frappe, moi, par rapport à la façon dont cette catégorie, qui est encore très utilisée aujourd'hui dans les espaces de concertation, de rénovation urbaine, etc., c'est qu'à l'époque, en fait, derrière habitants, en fait, ceux qui mobilisaient cette catégorie, en fait, l'habitant était quasiment forcément un ouvrier. En fait, il y avait un truc très ouvriériste, en fait, dans ce qu'ils entendaient par habitant. Et il y avait quand même si ça n'a pas été formulé comme tel, nous on travaille un peu cette question dans le livre, cette idée de faire de l'habitant le nouveau prolétaire, c'est-à-dire de faire le sujet historique après le déclin du récit communiste. Et donc, il y a cette idée-là qui était très forte dans le « nous » qui était porté par l'atelier populaire d'urbanisme. Alors, néanmoins, un élément que je voudrais souligner, c'était qu'à la fois, ce « nous » habitant était très inclusif et en même temps pour partie aveugle. C'est-à-dire un des éléments qu'on a aveugle, notamment, on pourrait dire, à des formes intersectionnelles de domination, si on veut être anachronique. On a tout un chapitre là-dessus, mais sur le fait que, et dans les années 80, ça va commencer à poser problème, c'est que, au fond, ce « nous », qui est principalement donc territorial et pour partie de classe, je le disais à l'instant, en fait, va contribuer à invisibiliser les formes d'inégalité que vivent les immigrés et les descendants d'immigrés sur le quartier, qui deviennent assez rapidement majoritaires. Et la question du racisme, des discriminations, etc., que subissent ces catégories-là, est peu prise en charge, en fait, par le collectif militant, qui est principalement blanc, par ailleurs. Et donc, à un moment, ça va commencer à poser problème. La légitimité, au fond, de ce collectif et de cette catégorie, de ce « nous », va progressivement s'effriter à mesure qu'il sera en décalage avec ce que sera devenu la population du quartier et à mesure aussi que le travail militant que j'évoquais à l'instant devient moins intensif. C'est-à-dire que le « nous », nous, c'est des questions qu'on se pose, au fond, la capacité des porte-parole à parler au nom du collectif possible à partir du moment où il y a ce travail militant qui le légitime. Et ça devient de plus en plus compliqué, et le hiatus de classe et éventuellement racial devient plus compliqué quand il n'y a plus cet espace de fusion et de construction du collectif qui était la réunion du mercredi et qui était incarné par ce travail militant. Peut-être deux derniers points sur la question, tu me demandes le rapport de force cognitive. Donc nous, vraiment, on insiste beaucoup dans le bouquin là-dessus, c'est... Le rapport de force était par le nombre et par le savoir. C'est ces deux éléments-là qui ont été tout à fait décisifs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rapport de force cognitif ? C'est à la fois l'idée assez rapide qui s'impose d'avoir un contre-projet. Et moi, j'ai vu la différence, par exemple, avec ce que j'ai étudié, alors, dans un autre contexte historique, plus récemment, mais dans le quartier du Pile, où l'absence de contre-projet a quand même, à un moment, fait défaut. Là, pouvoir proposer très concrètement quelque chose, et c'était possible parce qu'il y avait ces architectes, etc., ça modifie quand même assez radicalement le type de discussion qu'il peut y avoir avec les pouvoirs publics. Rapport de force cognitive, je reviens là-dessus aussi, c'est le fait que, dans un premier temps, nous, on le voit bien quand on compare le traitement institutionnel de la mobilisation avant et après l'arrivée de la BAC, finalement. C'est qu'au fond, au départ, la municipalité prend les habitants de haut en mode paternaliste. On sait ce qui est bon pour vous. Et de toute façon, vous n'avez pas les compétences techniques pour comprendre ce qu'est un taux d'insalubrité, pour comprendre ce qu'est un plan masse, ce qu'est un schéma d'aménagement sur un quartier. Et là, vous voyez des architectes qui débarquent de Paris. Et là, en fait, très clairement, le rapport de force change et c'est plutôt les techniciens de la municipalité qui apparaissent moins compétents que ceux qui débarquent de Paris. Et donc, ça va rééquilibrer, au fond, le rapport de force qui est bien incarné par ces histoires de fiches de santé de maison que j'évoquais et de recalcul du taux d'insalubrité. Les techniciens de la municipalité s'étant d'une certaine façon trompés. Je pense qu'il peut y avoir... Je pense que tout ça est assez arbitraire. De toute façon, cette question de toute célébrité, mais c'est une autre histoire. D'où le fait qu'effectivement, avoir ces architectes-là pendant 2 ans à disposition, c'était énorme en fait, quoi, pour les habitants mobilisés. Dernier point là-dessus, parce que j'ai vu qu'il y avait la question de le chat, sur la question du financement. Donc effectivement, la BAC, là, les architectes sont financés par le ministère de l'équipement. En 2 ans. Alors, un truc que je n'ai pas dit quand même, c'est qu'il y a eu une forme de flou, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, et on retombe sur les histoires de coproduction, de recherche-action, etc., c'est que la BAC présentait un peu son truc comme une forme de recherche sur le quartier. Il n'était pas clair, ils n'ont pas vendu le truc en mode on va faire un contre-projet, quoi. Même si Mollet, il était content, en fait, d'aller soutenir ce type d'initiative, même si les réseaux de droite, en fait, étaient contents d'aller embêter un peu les élus socialistes locaux, quand même, ils ont présenté ça de façon un peu soft, comme, aujourd'hui, il y a des gens qui louvoient aussi dans leur réponse à l'appel à projet. Et donc, en présentant ça comme une recherche plutôt que comme un moyen de soutenir, d'équiper la lutte via la construction d'un contre-projet, ça a aussi facilité les choses. Mais voilà, très clairement, cette idée, et c'est ça qui est hyper intéressant en fait dans l'histoire, et, voilà, le bouquin, on a fini de l'écrire, en fait, on était en plein dans les réflexions du rapport Bakemeshmash, le fonds d'interpellation, etc. Et on le cite d'ailleurs dans le livre. Et donc, on est en plein là-dessus. C'est quelles sont les conditions pour permettre un financement public des contre-pouvoirs. Et donc, un financement public qui n'empêche pas l'autonomie. Donc, exactement, hein, l'idée du fonds d'interpellation, on prolonge ça aujourd'hui avec l'Observatoire des libertés associatives, etc. C'est exactement ce qui s'est passé à l'Allemagne. C'est dans la mesure où ce financement venait d'un autre échelon territorial, de l'État, et que la lutte opposait principalement les habitants à la ville, l'autonomie était garantie. D'ailleurs, voilà, ils ont fait leur projet, etc. Et donc, il y a clairement des choses, à mon avis, à retirer de tout ça sur ces conditions du financement public des contre-pouvoirs, quand bien même. J'ai bien peur que, pour finir sur le contexte historique et politique, ce ne soit pas tout à fait dans l'air du temps. Peut-être pour enchaîner et rebondir sur les questions que tu as posées, Agnès, moi je voulais parler un peu de ce que tu disais sur la coproduction comme processus itératif et le fait d'apprendre à travailler ensemble et comment ça se passe comment ça se prolonge au niveau de la ferme urbaine nutrition. En fait, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est un projet qui se fait sur le territoire d'une friche urbaine, qui est en fait une ancienne usine qui a été détruite, sur laquelle il devait y avoir un projet de rénovation urbaine avec des logements. Projet qui a finalement échoué parce qu'aucun bailleur n'a souhaité se mettre sur le terrain, notamment du fait qu'il y avait un mur qui a été patrimonialisé autour du terrain. Et là, les associations ont investi cet espace avec notamment l'Université populaire et citoyenne qui sortait juste d'un conflit avec la ville. Et il y a eu tout un processus d'acculturation un petit peu entre la nouvelle municipalité, donc une municipalité de droite fraîchement élue avec des personnes qui n'avaient pas forcément tous d'expérience politique. Et du coup, il y a eu un peu une stratégie de l'UPC de se mettre en retrait de la négociation avec les institutions, qui a surtout été portée par un restaurant coopératif et Pierre Wolf, qui était un ancien journaliste et qui du coup avait les compétences de faire cet intermédiaire. Et en fait, il y a une reconnaissance à la fois du côté des élus et du côté des associations du fait que le fait d'avoir commencé à travailler et discuter ensemble a permis d'effacer peut-être certains préjugés que les uns pouvaient avoir sur les autres. Et par exemple, j'avais fait un entretien avec un élu de la mairie de Roubaix qui disait que pour lui, le fait de travailler ensemble, ça permettait à un certain nombre de membres de l'association d'avoir moins d'a priori sur la municipalité et que en fait, ça permettait de pacifier finalement leurs relations. Et il y a aussi le fait que ça permet à la fois aux institutions d'accepter un peu plus de flou dans leurs pratiques. En fait, on observe que à la fois la mairie et les bailleurs n'ont pas toujours formaliser ce qu'ils mettaient en place avec les associations. Par exemple, signer la convention un peu après le fait que les associations soient sur le terrain ou ce genre de choses qui font que c'est pas... il y a un peu une forme d'ensauvagement des institutions, on va dire. En même temps, les associations, de leur côté, acceptent certaines contraintes qu'elles n'auraient pas forcément acceptées, comme là, par exemple, il y a un enjeu du parking sur ce territoire qui est une ferme, quelque chose que les associations plutôt environnementales ne veulent pas, mais qui, en fait, elles commencent à l'accepter du fait de discuter avec les techniciens et de faire un peu des compromis des deux côtés sur les pratiques. Et je veux en profiter aussi pour répondre à une question dans le chat qui est posée par Claire notamment. Donc, en fait, la question, c'est quels sont les enjeux potentiellement conflictuels de la ferme urbaine reposant sur des usages existants ou prévus de l'espace public? Quel est l'espace sur lequel s'installe la ferme et qui l'initie? Donc, en fait, sur la ferme urbaine, les enjeux conflictuels, ils ne sont pas forcément sur des usages qu'il pourrait y avoir sur la ferme, mais plutôt sur la place des différents acteurs. Et en fait, par exemple, l'Université populaire et citoyenne travaille avec la mairie, mais elle n'a toujours pas retrouvé ses financements. Et du coup, les enjeux conflictuels qu'il pourrait y avoir, c'est de ne plus être en situation de précarité financière et d'avoir un rapport de force peut-être suffisant avec la municipalité pour avoir une place, un peu une certaine forme de reconnaissance de son travail. Ça, c'est vraiment un enjeu très, très fort pour l'association. qui compte en fait sur la mobilisation des habitants pour pouvoir finalement peser suffisamment face aux institutions et être reconnu et financé par la même occasion. Les rapports de force aussi entre associations qui peuvent conditionner parce qu'il y a plusieurs projets associatifs en fait sur le terrain. Il y a une constellation d'associations, environ 5-6 qui sont actives, et du coup, en fonction de qui est plutôt dans un rapport très de partenariat avec la ville, plus de facilité à faire en sorte que ces projets soient soutenus. Donc, il y a un peu un enjeu sur cette articulation pour finalement pouvoir négocier d'égal à égal par rapport aux institutions, mais aussi au niveau des associations, que toutes les associations aient un peu le même poids. D'où l'importance d'un espace délibératif avant, en amont de la rencontre avec les institutions. Et ensuite, le rôle des associations écologistes, c'est elles qui portent le contre-projet, en fait, qui sont venues porter cette proposition de faire une fermure urbaine là où l'ANRU prévoyait des logements. Et en fait, c'est une mobilisation de certains de ces membres d'associations sont membres du quartier. Donc, il y a quelques leaders habitants. Mais sinon, c'est des gens qui ne sont pas forcément tous du quartier à Roubaix, ni forcément de la ville de Roubaix. Et il y a un enjeu pour les associations. Pour eux, il est important que les habitants soient intégrés au projet. Et donc, il y a tout un travail de mobilisation à travers du porte-à-porte, notamment inspiré des techniques du community organizing, pour faire en sorte d'avoir un projet qui ne soit pas détaché du quartier, et donc de ne pas avoir quelque chose comme une classe créative qui viendrait appliquer son projet. Mais pour l'instant, c'est un processus en cours. Et donc, il y a la volonté de faire une écologie populaire avec notamment l'UPC qui fait une recherche-action sur transition et quartier populaire. Merci beaucoup. Peut-être que... je sais pas, vous voulez répondre aux autres questions, Karina, celle de Karina Leitao, par exemple, de Sao Paulo. Je crois que Karina, j'ai répondu sur l'aspect financement. Oui, c'était ça, mais il y a peut-être d'autres aspects, j'ai peut-être pas tout regardé dans le chat. Je voulais rebondir sur les questions de Claire, que je salue au passage. Sauf si quelqu'un veut prendre la parole. Peut-être Claire, Laurent et Sabrina, si vous voulez poser vos questions. Et Xavier Desjonquière aussi. Ouais. Moi, je veux bien juste rebondir sur la réponse de Clotilde et repréciser ma question à Julien. Clotilde, ça m'a beaucoup intéressé ton exemple, parce que moi, à Marseille, ce que je vois dans un terrain débutant, hein, c'est vraiment le hiatus entre une très forte volonté de l'ANRU, appuyé par la municipalité écolo-socialiste, de développer ces fermes urbaines, et un très fort hiatus avec les désirs habitants et les pratiques habitantes, et une très grande difficulté à construire cette écologie populaire, avec des fermes urbaines qui sont investies beaucoup par des classes créatives, mais finalement assez peu par les habitants, et puis un conflit d'usage avec les dealers, là, assez violent. Et donc des accommodements qui vont se faire en pratique, et notamment par l'intermédiaire des fonctionnaires municipaux. Mais bon, voilà, c'est assez conflictuel, mais pas dans ces espaces de libération du tout. Mais voilà, bon, ça c'est juste un écho qui rend intéressante cette conversation. Et puis à Julien, moi, j'ai trouvé très intéressante, enfin, ça recoupe aussi vraiment ce que je vois sur ces deux pieds de la réussite des processus participatifs et la conjonction institutionnelle assez exceptionnel, mais en même temps à plusieurs niveaux, hein, l'État, la municipalité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, ils restent et ils apprennent ces cultures, ils s'hybrident, ils créent des liens et parfois, ils résistent aux changements politiques. Donc, ma question, elle était moins sur les devenirs et les reconversions militantes, sauf s'ils rentrent dans la municipalité, mais j'ai bien compris que l'alternance à gauche n'avait pas duré longtemps, mais plus sur ces fonctionnaires et l'hybridation de leur culture pratique. Et en fait, la manière de construire la ville avec les habitants qui a peut-être été aussi transformée Bon, voilà, c'est un espoir naïf, hein, mais parfois, on en trouve des fonctionnaires comme ça. Et ça m'intéressait de savoir ce qui était ressorti des entretiens avec ces fonctionnaires, les techniciens. Et juste si je peux me permettre, attends, j'allume ma vidéo, je sais pas si je peux faire ça. Si je peux me permettre, que c'était un peu en continuité avec la question de Claire, Julien. Alors, elle, plutôt du côté de ses fonctionnaires et comment, effectivement, bah, cette expérience, elle a alimenté ou pas leur pratique. Moi, je me pose la question aussi de ce que sont devenus les leaders de la mobilisation, les leaders habitants, les figures emblématiques. Donc, tu as parlé du couple Le Mans. Il me semble, mais peut-être que je me trompe, que Marie-Agnès Le Mans a été conseillère municipale à un moment. Donc, en fait, je me pose aussi la question de ces trajectoires militantes et comment localement, pour quelques peut-être figures emblématiques du mouvement, ça a porté des formes de trajectoires militantes, voire professionnelles. Enfin, voilà, je me demande ce que sont devenus ces militants de l'Almagar sur le temps long. Je vais peut-être rapidement réagir à l'intervention de Claire et puis après laisser Julien répondre à vos questions. En fait, je n'avais pas lu hyper bien la question sur le texte par rapport au conflit d'usage sur la ferme. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau de la ferme urbaine du Trichon, notamment avec l'usage de la moto sur le terrain. Donc, il y a un peu un conflit de la valorisation du lieu, c'est-à-dire que pour certains jeunes, c'est super parce qu'il y a une route qui est une super grande ligne droite qui permet de faire des allers-retours en moto. Et pour les membres de l'association, c'est voilà, un sol vivant qu'il faut préserver, etc. Donc, il y a un peu ces conflits-là qui, parfois, peuvent être assez hard. Il y a eu notamment aussi une destruction du matériel, du jardin partagé par certains jeunes. Mais en même temps, les associations ont une posture plutôt de... justement de ne pas rentrer en conflit avec ces personnes avec qui ils ont des conflits d'usage, mais d'essayer de dialoguer avec eux, ce qui donne des choses assez intéressantes avec finalement des personnes qui squattent un peu la ferme le soir pour boire des coups et fumer un peu, qui se retrouvent à faire un peu les gardiens du lieu quand il y a des personnes qui viennent, par exemple, il y avait eu des personnes qui étaient venues pour piquer des chaises. Et c'est les squatteurs de la ferme, pas forcément invités par les associations, qui se sont trouvés à défendre ce lieu qu'ils se sont approprié. Et du coup, il y a un peu un mélange des usages, avec bien sûr, c'est plus simple d'accepter des gens qui boivent des coups que des gens qui font la moto, mais il y a un peu une tentative de faire en sorte que ce soit non plus un lieu excluant pour les habitants du quartier et que ce soit surtout un lieu qui soit ouvert. Alors, du coup, je rebondis, mais pour évoquer aussi d'abord donc, cette question de la ferme urbaine, là où il y a, en fait, il n'y a pas effectivement, c'est une vraie question, en fait, il n'y a pas de conflit institution-asso-centrale, il y a une forme même on peut dire, de convergence d'intérêts. En fait. C'est-à-dire que pour la ville, l'enjeu, c'est via la ferme de contribuer à la gentrification de la ville, qui est leur projet, en fait. Hein. Très clairement, il y a un projet gentrificateur, en fait, qui n'est même plus vraiment un projet gentrificateur, en fait. Sont plutôt en fait notamment contents que sur cette ferme ne soient pas reconstruits des logements sociaux, puisque leur crainte en fait c'est que des pauvres continuent à arriver à Roubaix. Donc là le but en fait c'est principalement de diminuer la population de la ville pour pouvoir faire baisser la pauvreté en fait, dans la mesure où ils ont beaucoup de mal en fait à faire venir des classes moyennes. Donc ils ont vu plutôt d'un bon œil en fait ce projet de ferme urbaine. Et donc tout l'enjeu pour les assos c'est de certaine façon de se saisir de cette opportunité qui est l'intérêt institutionnel. Sans forcément retomber sur ces visées gentrificatrices, d'où l'enjeu en fait assez central du travail de mobilisation qui est évoqué par Clotilde à l'instant. En fait. Les assos ont parfaitement conscience de ce risque-là, c'est-à-dire que si il n'y a que des classes moyennes, au fond, le projet, politiquement en tout cas, n'aura plus le sens qu'était celui qui voulait leur donner, d'où le travail important qu'il faut aujourd'hui, mais travail militant qui est en fait fortement contraint par les épisodes répressifs précédents dont ils ont été l'objet. C'est-à-dire que ayant été assez durement sanctionnés par la municipalité, notamment par des coupes de sub, etc., il y a pu, en fait, un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait, hein, ces militants professionnels, payés ou pas, qui peuvent réaliser ce travail de mobilisation, et donc c'est dur. Donc là, ils sortent d'un mois et demi quand même de porte-à-porte un peu généralisé sur le quartier, mais en même temps, c'est pas simple, parce que comme tu le disais, là, si j'ai bien compris, sur Marseille, c'est que d'un côté, gros travail de mobilisation, en même temps, globalement, les gens qui sont sensibilisés par le truc, c'est plutôt les classes moyennes du quartier, puisque c'est un quartier quand même assez mixte, et vraiment les classes pop, en fait, globalement, le jardin, la ferme, c'est pas leur truc, quoi. Donc, ils essayent. Donc, à suivre, voir s'ils arriveront à façonner des subjectivités écolo parmi les classes populaires du quartier. C'est le projet. Alors du coup, ça me permet d'enchaîner sur la question des devenirs militants, puisque donc une partie, vous l'avez compris, hein, des gens qu'on retrouve là sur notre ferme urbaine sont des anciens d'Alma. Un des canaux de la trajectoire des militants de l'Alma, une partie, c'est le militantisme associatif. Il a beaucoup pris la forme démocratie participative, comité de quartier, association de quartier, etc. Donc, une partie qu'on retrouve. Un autre pôle, quand même, qui est très fort, c'est l'investissement du champ politique, en fait, qui a pris deux formes différentes. Alors, il y a le couple Le Mans qui, de par leur filiation catho, en fait, se retrouvait plutôt au centre droit. Ont été effectivement élus dans différentes municipalités de droite à Roubaix. Et puis après, il y a le pôle plutôt Mao, qui ont, eux, investi les Verts, en fait, et qui ont fondé les Verts à Roubaix à la fin des années 80, donc le Parti des Verts. Et en fait, c'est notamment au regard de la fin de l'histoire, en fait, à l'Alma, qui se disent, si toutes nos histoires, en fait, d'alternatives économiques et sociales, je vous parle d'agit de quartier, de coopératives, etc., si ces histoires d'alternatives ont échoué, c'est parce que le politique nous a tapé dessus, c'est la répression institutionnelle qui nous a tués. Et donc, si on veut produire de la transformation sociale, il faut investir le champ politique. Donc, c'est la conclusion qu'ils en tirent. Et donc c'est la carte qu'ils vont jouer pendant, on peut dire, 15 ans. Et bon, ils ne parviendront jamais à véritablement au pouvoir. Après, c'est une histoire intéressante. Moi, je suis en plein là-dedans, là, dans mon HDR, c'est une autre histoire. Mais l'histoire des Verts de Roubaix, c'est aussi celle de l'investissement des descendants d'immigrés dans le champ politique. C'est-à-dire que s'il y avait dû avoir un maire maghrébin, notamment un maire algérien à Roubaix, ce qui aurait devrait être le cas, en fait, dans une ville où la population d'origine algérienne est si forte, c'est pas du tout le cas, mais bref, il aurait été issu des Verts, puisque c'est les Verts qui ont tenté, en fait, de proposer et d'organiser la représentation des minorités à Roubaix. Bref, toujours est-il que c'est cette carte-là qui joue. Ce qui se passe, en fait, pour partie, c'est qu'au milieu des années 2000, quand ils parviennent au pouvoir en alliance avec le PS, bah, ils vont du coup soutenir des initiatives notamment associatives qui sont en accord avec leur philosophie, et notamment l'université populaire et citoyenne, en fait. On retrouve, et donc les anciens de l'ALMA, là, vont pouvoir marcher champ politique et champ associatif, ce qui va bien marcher un temps, jusqu'au passage à droite de la ville, et où là, le payer très cher. Alors, j'en viens au dernier point sur la question de la culture peut-être participative des fonctionnaires. Et que deviennent ces alliés de l'intérieur, d'une certaine façon, qui ont joué un rôle important, en fait, dans les années, fin des années 70, début des années 80. Moi, je suis d'accord, hein, qu'il y a des trucs probablement à faire sur ce forme de militantisme institutionnel, etc. Moi, j'ai pas des réponses hyper précises à apporter, parce qu'on n'a pas suivi très finement, en fait, la trajectoire de ces acteurs-là. Et globalement, en fait, ce qui va se passer après l'ALMA, si on peut parler de culture participative sur la ville, et c'est quand même pour partie le cas, en fait, ça va être beaucoup porté par les élus, plus que la municipalité, sachant qu'un certain nombre d'élus, il y a une très forte imbrication, en fait, à Roubaix, on peut dire champ administratif et champ politique, c'est-à-dire que les plus hauts fonctionnaires municipaux ont souvent eu leur carte OPS, pour le dire comme ça, et que typiquement, les gens qui jouaient ce rôle de médiateur, d'allié de l'intérieur, comme je le disais à l'instant, certains vont devenir élus quelques années plus tard, et y compris l'un d'entre eux, en fait, va devenir maire de Roubaix en 2010, en fait, Pierre Dubois. Toujours est-il qu'il y a eu effectivement une forme de culture participative qui s'est cristallisée après l'ALMA, mais qui, à mon sens, en fait, va quand même assez largement pervertir l'ALMA. C'est-à-dire, ça va se traduire de par quoi ? On passe par la constitution d'une offre de participation institutionnelle via, bon, c'est un peu vite dit, en fait. Bon, c'est tout ce qu'a travaillé Catherine Neveu, en fait. C'est la création des comités de quartier, qui sont des espaces, en fait, qui sont des associations, qui vont être impulsées par la municipalité après l'ALMA, en fait, à la fin des années 70, début des années 80, qui sont des espaces autonomes, avec l'idée, là on voit l'affiliation de l'ALMA, avec l'idée qu'il faut des moyens pour permettre la participation des habitants, et donc la ville va fortement les soutenir, mais c'est la ville, en fait. C'est là où il y a une différence qui est fondamentale entre l'atelier populaire d'urbanisme et les comités de quartier qui se mettent en place quelques années plus tard à Roubaix, c'est que l'atelier populaire d'urbanisme, n'avait pas de financement municipaux et avait un financement du ministère de l'Équipement qui lui permettait le contre-projet. Et à l'inverse, les comités de quartier sont financés par la ville et vont se retrouver assez vite pris en fait, dans des relations clientélaires avec la municipalité. Et que, par ailleurs, ces comités de quartier, en fait, il n'y a pas le pendant que j'évoquais tout à l'heure, qui est ce groupe de travail. Et alors, bon, est-ce que c'est lié à une volonté institutionnelle ou à un oubli ou quelque chose qui s'est perdu en fait, dans l'héritage de l'ALMA ? Mais toujours est-il qu'il y aura pu, en fait, des espaces de négociation ou de coproduction véritablement. Il y a des espaces partiellement autonomes et qui ne vont pas le rester trop longtemps et qui manquent de débouchés institutionnels et qui vont assez vite s'épuiser comme nombre d'expériences participatives. Ce qui n'empêche que retrouver le devenir de ces fonctionnaires militants serait intéressant à regarder. Je suis d'accord. Je voudrais réagir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure à propos de l'objet environnement qui ne serait pas, qui serait non conflictuel. Mon expérience de militant à Amiens, dans des quartiers, tente à confirmer qu'il y a une stratégie politique visant à focaliser des habitants, des associations, des conseils citoyens sur des projets d'agriculture urbaine, de jardins partagés. C'est hyper valorisé en tant qu'initiative d'habitants, même si c'est presque totalement guidé ou téléguidé par la collectivité locale. C'est extrêmement valorisé en termes de communication dans les supports d'information municipale pour un peu noyer le poisson et éviter que soit sur le devant de la scène les luttes, en particulier contre les démolitions jugées abusives de logements HLM. Donc ça ressemble vraiment à une tactique politique volontaire. Une autre chose que je voulais dire, c'est à propos des fonctionnaires de l'État et en particulier l'administration centrale. J'ai écrit dans le chat que dans le contexte de 1977, il me semble que jouait aussi beaucoup la circulaire qui, je crois me rappeler, s'appelait la circulaire Barre, du nom de Raymond Barre, Premier ministre, qui avait ouvert la voie à une réflexion sur les quartiers anciens principalement, mais aussi qui avait amorcé, c'était une préfiguration presque de la politique de la ville avec les opérations Habitat et Vie sociale, et qui sortait complètement de la logique antérieure qui était de la résorption de l'habitat insalubre par de la démolition quasi systématique. Comment cette circulaire est arrivée, et elle a quand même pas mal influé sur le devenir de quartiers anciens de centre-ville en particulier. Moi, je l'ai vécu à Amiens avec le quartier Saint-Leu, dans un contexte complètement différent de l'Almagar. Mais il y a eu un soutien national et un soutien de l'administration centrale pour expérimenter, étudier des solutions nouvelles. Il y a eu des incitations aux démarches participatives déjà à ce moment-là. Voilà. Pourquoi c'était arrivé, cette circulaire ? Est-ce que c'est des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires éclairés, comme le disait Julien Talpin, qui ont eu suffisamment d'influence ? Est-ce que c'était une position politique gouvernementale ou est-ce que c'était un début de réponse à des luttes sur le terrain qu'on pouvait voir un peu à droite à gauche, ça je ne saurais pas le dire. Toujours est-il qu'encore aujourd'hui, souvent on voit que ce sont des fonctionnaires éclairés au niveau de l'État qui sont indépendants des pouvoirs politiques locaux qui permettent des choses. Moi j'ai le souvenir dans l'expérimentation des tables de quartier, avoir essayé de discuter avec la sous-préfète chargée de la politique de la ville dans le département de la Somme sur l'appui que la préfecture, que l'État local pouvait apporter à cette table de quartier et d'avoir eu la réponse que l'État local ne ferait rien qui déplaise au pouvoir politique local. Et quand j'invoquais le soutien national au réseau des tables de quartier, de l'État national, la sous-préfète me répondait « ce sont des fonctionnaires qui, à Paris, se font plaisir ». Merci Xavier pour ta première question par rapport à l'environnement qui serait non conflictuel. Effectivement, en fait, pour la ferme urbaine, c'est plutôt une position qu'ont les associations. Ça ne veut pas dire que l'écologie et les luttes locales en faveur de l'environnement sont en dehors du conflit. C'est que pour l'association, l'environnement, c'est un peu quelque chose qui concerne tout le monde. Et du coup, qu'il vaut mieux convaincre les autres acteurs à travers des méthodes coopératives plutôt que rentrer en conflit pour faire valoir leurs idées. Et par exemple, un des membres de l'association que j'avais interrogé me disait que par rapport à l'effondrement de la société, donc des problèmes environnementaux, le problème, ce n'était pas de savoir si on était dans le bon parti politique, mais de savoir comment mobiliser tout le monde, même les politiques qui nous emmerdent. En fait, pour lui, on n'a pas d'ennemis dans l'environnement, peut-être les milliardaires, mais pour lui, ça ne veut rien dire. Et donc, si on veut réussir, il faut mobiliser tout le monde, même le maire de droite. Et du coup, c'est un peu une idée au niveau de l'association que, en fait, l'objet environnement fait que ça ne peut pas être conflictuel. Mais en fait, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi auparavant dans les pratiques de l'association, où il y avait eu un forum sur la pauvreté et il y avait un peu ce discours-là, où c'était un peu la pauvreté, c'est l'affaire de tous, et du coup, ça ne doit pas être quelque chose de conflictuel. Voilà. Mais on est d'accord que c'est quelque chose que les luttes environnementales peuvent être très conflictuelles, et on le voit avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ce qui se passe à Bure, mais aussi par l'utilisation de la désobéissance civile par de nombreux mouvements écologistes qui utilisent ça pour augmenter le rapport de force, comme Greenpeace, par exemple. J'enchaîne. Tout à fait d'accord avec ce que disait Clotilde. En fait, c'est que le caractère non conflictuel de l'environnement, il est construit. En fait. Et là, c'est quelque chose qui est partagé par une variété d'acteurs, là, y compris chez les assos, du fait de. Effectivement, Clotilde parlait des dispositions que portent les acteurs. Je crois que c'est aussi l'histoire des organisations. C'est-à-dire que là, en fait, l'université populaire et citoyenne a failli disparaître suite à la lutte du PIL il y a quelques années. Et donc, aujourd'hui, ils se disent qu'ils ont plutôt intérêt pour survivre. Souvent, les organisations cherchent à survivre, parfois à tout prix, de s'investir sur des questions plus consensuelles. Par exemple, elles travaillaient beaucoup auparavant sur les questions de racisme et de discrimination, ce qui leur a aussi coûté assez cher. Et ils se disent que le racisme et les discriminations sont aujourd'hui une question qui est probablement plus sensible dans la société française que l'environnement. Alors que moi, je ne pense pas qu'au fond, n'importe quel sujet peut être conflictuel ou consensuel selon la façon dont il est cadré. Mais effectivement, en tout cas, cette appréhension-là de la part de l'association façonne fortement leurs pratiques localement. Et en même temps, c'est construit, c'est nourri quand même par l'expérience et la pratique, et notamment la pratique du traitement institutionnel variable selon les questions. Ils se sont pris beaucoup plus d'entraves, voire de sanctions institutionnelles quand ils sont investis sur les questions urbaines ou les questions de racisme que sur les questions environnementales. Je rebondis sur les questions du rôle des fonctionnaires, etc. Moi, une hypothèse que j'aime et qui n'est pas que une hypothèse, et là que je formule sur d'autres questions précisément que les politiques urbaines, mais dans le champ je travaille pas mal sur les politiques de lutte contre les discriminations et contre le racisme, c'est qu'on a plutôt assisté depuis peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, et ça fait écho un peu à ce que tu disais, hein, Xavier, mais à une convergence, en fait, entre les fonctionnaires d'État et les fonctionnaires locaux. Et qu'il est extrêmement compliqué aujourd'hui pour des représentants de la préfecture ou de la sous-préfecture d'être en désaccord, voire d'aller au conflit avec le pouvoir municipal, comme ça pouvait être le cas dans les années 70 ou même plus récemment, quoi. Et donc, cette convergence-là et le fait que, pour le dire autrement, que l'État local soit plus cohésif entre préfecture et municipalité, a des effets, je crois, assez importants en fait, sur les dynamiques de mobilisation dans les quartiers populaires. Puisque précisément, il y a de moins en moins de brèches de fonctionnaires militants sur lesquels on peut s'appuyer. Voilà, la trajectoire, par exemple, de ceux qui étaient face au Fonds d'action sociale, qui précisément venaient en soutien et finançaient les associations de descendants de l'immigration dans les quartiers populaires, ce qui est devenu à la fois l'organisation face et ceux qui l'habitaient, témoigne bien en fait, hein, de cette perte d'autonomie des fonctionnaires de l'État central et puis aussi peut-être d'un ethos moins militant de ces acteurs-là. Et c'est des éléments en fait, qui ne sont peut-être pas suffisamment pris en compte pour comprendre les dynamiques de mobilisation dans les quartiers populaires aujourd'hui, où au fond le contexte est moins favorable de fait de tout ça. Il y a des trucs à aller regarder, moi je pense, et je le vois bien sur mes terrains en ce moment à Roubaix, sur tous les trucs de lutte contre le séparatisme qui se préparent, en fait, qui sont précisément des espaces, des cellules locales de lutte contre le séparatisme, où interviennent fonctionnaires municipaux, fonctionnaires de l'État, etc. J'espère que tout ça est compréhensible pour nos camarades brésiliens, malgré les complexités du millefeuille français. Bref, ces espaces-là, en fait, sont des espaces où se jouent beaucoup de choses et vont se jouer beaucoup de choses, je pense, pour les associations dans les quartiers dans les années à venir. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Je ne sais pas, Marie, peut-être qu'on pourrait s'arrêter, enfin, à moins que vous ayez encore des choses à rajouter ou qu'il y ait une dernière question, parce qu'il est, ça a été très dense. Et il est 20h et quelques. Le public commence à faire défection, ce qui est quand même un signe. Il faut s'arrêter. Est-ce qu'il y a une dernière remarque ou question? Ou les deux? Merci pour tout. Ben, merci encore. Marie, tu veux dire quelque chose avant qu'on se quitte? Oui, juste pour dire qu'à partir de la rentrée, donc ça sera nos collègues brésiliens qui vont prendre la relève sur l'organisation du séminaire. Et il y aura des séances donc tous les premiers mercredis du mois. Et on vous communiquera les séances toujours par le même lien d'inscription que cette année. Et donc, ben, merci aux intervenants et aussi aux participants. Et je vous souhaite un bel été. Merci Marie. Merci, c'était un plaisir. Merci pour vos questions, remarques. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt, au revoir.